Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. L'homme pâle avec yeux d'ise, très approprié ce matin. À Assemblage Requis, maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, en fait, c'est quand même assez précis. Hein? On a une thématique boisson gazeuse. Commençons par le Pepsi. Hein? Le Pepsi, la rivalité avec Coca-Cola, on la connaît. Hein? La boisson a 120 ans et ça fait partie de la culture populaire et ça n'arrêtera certainement pas. Donc, une liste de petites choses que vous ne savez pas sur cette boisson gazeuse qu'on boit depuis des générations. Pour commencer, le fait le plus connu, je crois, que Pepsi-Cola s'appelait au départ Brad's Drink. L'inventeur du Pepsi-Cola était un pharmacien de la Caroline du Nord nommé Caleb Davis Bradham. En 1893, Bradham a commencé à vendre Brad's Drink, donc la boisson de Brad, à une fontaine de boissons gazeuses à son magasin. Le breuvage était un mélange de sucre, d'eau, de caramel, d'huile de citron, de noix de muscade, de noix de cola et quelques autres ingrédients. 5 ans plus tard, Bradham a renommé son breuvage Pepsi-Cola parce qu'il croyait que ça allait aider à éloigner la dyspepsia, donc l'indigestion. Ensuite, la Première Guerre mondiale aurait pu être la fin de la compagnie. Le prix du sucre a vraiment beaucoup augmenté pendant la guerre et Bradham a utilisé l'opportunité pour en acheter plus, pensant que le prix allait continuer de monter et qu'il allait être capable de faire un gros profit. Ça n'a pas vraiment fonctionné pour lui et en 1923, Bradham a déclaré faillite. La compagnie a été achetée 8 ans plus tard par The Loft Candy Company. Pepsi a pu rester en offrant plus de cola pour moins d'argent. Les compétiteurs vendaient des bouteilles de 6 onces pour un 5 cents. Oui, 5 cents, nickel, c'est 5, dime, c'est 10, à cause du D. C'est comme ça que je m'en rappelle. Nickel and dime, je trouve ça bizarre comme nom. Mais bon, donc du nickel, c'est 5 cents. Pendant la Grande Dépression, Pepsi a commencé à vendre à la place des bouteilles de 6 onces, des bouteilles de 12 onces pour le même prix. Leurs profits ont doublé. Ils avaient même un joli petit jingle pour s'assurer que les clients n'oublient jamais que leur prix était le bon. Le petit slogan qu'on peut entendre dans cette publicité. Pepsi-Cola hit the spot, 12 full ounces, that's a lot. 12 ounces, c'est beaucoup. Much for a nickel too. Autant pour 5 cents. Pepsi-Cola est la boisson pour vous. J'aime bien ça. J'aime les vieux jingles. Je suis un fan de ce genre de jingle accrocheur. Ensuite, la marque a donné à Sofia Vergara son premier poste en tant qu'actrice, son premier emploi, donc la vedette d'une famille moderne, Modern Family. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle a été la vedette de sa première publicité. Une publicité de 30 secondes pour Pepsi en Amérique du Sud, mettant en vedette Vergara en bikini, essayant de traverser du sable chaud pour aller s'abreuver de Pepsi. Vergara dit que la publicité l'a rendue célèbre et que c'est une des raisons que la compagnie l'a approchée pour être porte-parole pour Diet Pepsi en 2011. Donc, Sofia Vergara pour Pepsi. Quelqu'un est sur une plage, c'est elle. Elle enlève ses lunettes de soleil, elle voit que le Pepsi est au loin, elle marche sur le sable chaud en mettant son chapeau par terre, en mettant ses vêtements par terre, en mettant un livre par terre. Et là, tout le monde la regarde, bien sûr, chacun de ses vêtements s'enlève jusqu'à son chandail. On ne la voit qu'en bikini. et une femme frappe son copain. Tout le monde la siffle. Ouh, que c'est chaud. Et là, on s'arrange qu'au Pepsi, c'est... Wow, c'est du beau gros cliché. Pepsi était la première compagnie de boissons gazeuses à utiliser des bouteilles de 2 litres. Dans les années 70, un inventeur nommé Nathaniel Wyeth a développé une bouteille fabriquée de polyéthylène téréphthalate qui était plus légère donc, que la vitre, qui n'allait pas bien sûr éclater lorsqu'échappée, qui n'allait pas contaminer le contenu. En 1976, Pepsi vendait les plus grandes bouteilles à des consommateurs assoiffés un petit peu partout. Il y avait des mascottes de Pepsi au Japon. Dans les années 90, Pepsi Japan a approché l'artiste de bande dessinée canadien Travis Charest pour créer des personnages pour être utilisés dans leur publicité télé. Charest a eu l'idée d'un héros sans visage nommé Pepsi Man qui se promenait comme ça, qui courait et qui amenait le breuvage à n'importe qui en avait besoin. Pepsi Woman a fait son début dans une autre publicité plus tard pour Diet Pepsi Twist. Ça, c'est la version au citron. Il y avait même un jeu vidéo en 1999 où on devait guider Pepsi Man à travers des obstacles pour qu'il puisse livrer la boisson gazeuse aux fans. Donc, Monsieur Pepsi Man au Japon. Oh! C'est un genre de personnage en, on dirait un peu en métal, très gaffa. Il ressemble un petit peu à un personnage dans genre Terminator. Tout ce que c'est une bouche. Il n'y a pas d'yeux, il y a juste une bouche. C'est vraiment particulier. Un enfant qui pleure dans une maison. Pepsi Man qui arrive en courant. L'enfant crie sans cesse, la mère sait pas quoi faire. Elle est désespérée, Pepsi Man entre, se bombe le torse, fait un drôle de bruit de bouche et leur donne du Pepsi. Il est peur, hein? Bref, il essaie de sauter par la fenêtre, puis il se fait mal, il fonce dans la fenêtre. Ouais. Je le trouve pas super sympathique, moi, Pepsi Man. Je l'aime pas, il me fait peur. Hein? Il y a une douzaine de variations de Pepsi que vous avez certainement jamais rencontrées partout dans le monde. Comme la plupart des marques globales, Pepsi a expérimenté avec différentes formules dans différents marchés autour du monde. Ça a été aussi vendu en édition limitée pour les fêtes, d'autres événements comme ça. Vous avez sûrement vu c'était quoi Pepsi au gingembre qu'il y avait récemment ici au Québec. Bref, au Japon, les saveurs de Pepsi, entre autres Yazuki Bean, Strawberry Milk, oui, du lait aux fraises, Shizo, Cocombre, Babao Tree Fruit, donc le fruit de l'arbre du Babao. Baobab, en français, je pense, ouais. Le yogourt et du melon d'eau salé, qui est très, très classique au Japon. Tous les produits ont l'air de sortir une saveur au melon d'eau salé. On devrait peut-être l'essayer, du melon d'eau salé, hein? Je sais pas, juste le fruit avec du sel dessus. Pepsi était le premier produit à avoir été annoncé en utilisant un avion et une banderole à l'arrière, donc du Sky... Pas une banderole, mais l'écriture en arrière du Skywriting. En 1932, Pepsi a engagé le pilote Andy Steinis pour écrire leur nom dans différentes villes des États-Unis, avec des publicités imprimées dans les journaux locaux pour dire aux gens que le Pepsi-Cola Sky Pilot s'en venait en ville. Et pendant la décennie qui a suivi, il y a environ 14 Skywriters qui ont été engagés par Pepsi. Et en 1940, ils ont écrit environ 2225 messages partout aux États-Unis, au Mexique, au Canada, au Cuba et en Amérique du Sud. La compagnie a presque 500 brevets, dont un pour une raquette de tennis. Au milieu des années 70, PepsiCo a breveté une raquette de tennis inventée par Douglas E. Dempsey et Gerald F. Herndon. La raquette était faite de bois et de nylon et un matériau résineux synthétique qui pouvait être renforcé intégralement par des fibres de renforcement. Bref, le contour de la raquette était décrit comme étant deux morceaux interconnectés avec des trous qui s'alignaient pour les... pour mettre les cordes à l'intérieur. Je comprends pas trop pourquoi ils ont ça. Ça l'explique pas dans l'article, mais ils ont un brevet pour une raquette de tennis. Pepsi Cola était le premier produit américain à être fabriqué et à être vendu en Union soviétique. Ouais, lors d'un trade exhibition, donc une exposition en 1959 à Moscou, Richard Nixon, qui était ami avec un haut placé chez Pepsi, a convaincu le leader de l'Union soviétique, Nikita Khrushchev, de goûter le produit. Donc Khrushchev et Pepsi ont formé une relation et en 1972, on a signé une entente pour que la boisson soit disponible en magasin en URSS. Il y a eu 11 logos de Pepsi depuis les 122 dernières années. Le symbole du globe que tout le monde connaît, que la marque utilise aujourd'hui, n'existait pas avant les années 50. C'était un logo écrit en manuscrit qui a été appliqué, oui, à un graphique d'un bouchon de boissons gazeuses rouges, ben bleu, blanc, rouge, si on veut, avec des genres de vagues bleu, blanc, rouge. Au début des années 60, le mot cola a disparu complètement de Pepsi-Cola et le script a été remplacé par du texte gras. Chaque version du logo depuis a utilisé le symbole du globe. Le plus récent a eu une mise à jour de 1 million de dollars par The Arnell Group, qui a créé un document de 27 pages disant comment on devait utiliser le logo. Et si vous avez remarqué depuis les dernières années, presque toutes les lignes directrices de ce document-là ont été complètement oubliées. Au départ, on était supposé avoir une vague, comme Pepsi a toujours eu, une vague, mais qui devait être variante en intensité dépendant du produit. Donc, Pepsi Diet avait juste une petite vague, c'était supposé ressembler à un sourire. Ensuite, Pepsi Normal avait la vague normale et Pepsi Max, celui qui était fait pour énergiser, avait un grand, grand sourire beaucoup trop énervé. Mais tout ça n'est plus utilisé du tout. Fallait voir le document de 27 pages, c'est vraiment, moi, selon moi, fascinant. Je suis un gars de marketing, j'aime beaucoup ça. Allez voir les sourires que c'est supposé représenter pour chaque produit et voyez comment maintenant c'est juste le même logo pour tout le monde. Un peu comme Coca-Cola avait des designs différents pour chacun de leurs produits, mais maintenant, ils ont commencé à mettre la petite vague de Coca-Cola sur chacun de leurs produits, même si ça ne fit pas dans le décor. Comme les canettes de Coca-Cola Life qui sont vertes, ont maintenant une petite vague rouge en dessous pour dire « Hey, c'est un produit Coca-Cola » et tout ce que ça fait, c'est avoir l'air d'une canette spéciale de Noël. Bref. Alors, allez voir le document sur assemblagerequis.com. On a parlé de Pepsi. Continuons avec un petit peu de Dr. Pepper. Ouais, on connaît Dr. Pepper avec sa saveur uniquement, comment dire, épicée, mais vous connaissez peut-être pas l'histoire derrière. Ça a des racines au Texas. Comme plusieurs autres boissons gazeuses, Dr. Pepper est le produit de l'expérimentation dans une pharmacie. Charles Alderton, pharmacien chez Morrison's Old Corner Drugstore à Waco, au Texas, aimait expérimenter avec des sirops de saveur de la fontaine de liqueurs de boissons gazeuses qu'il avait dans sa pharmacie. Comme aujourd'hui, hein, les pharmacies sont de grands vendeurs de produits qui ne sont pas bons pour vous du tout. Bref, à la place d'accepter les saveurs standards qui étaient disponibles à ce moment-là, en 1885, Alderton a mélangé des saveurs et il a créé une boisson unique que les gens adoraient. Il y a peut-être déjà eu un vrai Dr. Pepper. Une fois que Alderton a perfectionné sa concoction, il avait besoin d'un nom. Les gens, au départ, les clients référaient à ça comme la boisson de Waco, donc comme la ville au Texas. Donc on appelle ça « Je vais te prendre un Waco, s'il te plaît ». Mais le patron de Alderton, Wade Morrison, croyait que l'élixir avait besoin d'un meilleur nom et peut-être un nom qu'il pouvait s'approprier, contrairement à la ville. Morrison a donc appelé ça « Dr. Pepper » en hommage au Dr. Charles T. Pepper. Qui disait être un collègue quand il était plus jeune en Virginie, là, dans la campagne. On raconte l'histoire que Morrison avait quitté la Virginie pour le Texas après une affaire amoureuse qu'il avait eue avec la jeune fille de Dr. Pepper, après que la relation soit tombée à plat. Mais bref, on dit que c'est probablement une légende urbaine. Ensuite, le soda du Texas est arrivé au niveau national en 1904 lors de la Foire mondiale. Le soda préféré du Texas a fait son chemin jusqu'au niveau national à la 1904 World's Fair à St. Louis. Le musée du Dr. Pepper, oui, ça existe, nous note que la boisson a rejoint donc le col de crème glacée, le hamburger et le hot dog à cet événement-là qui sont devenus des objets populaires, des aliments populaires plus tard. Légalement, on dit que ce n'est pas un cola. Pendant une bonne partie de l'histoire de Dr. Pepper, la boisson était seulement dans le sud et le sud-ouest des États-Unis. Coca-Cola et Pepsi avaient utilisé leur départ un petit peu à l'avance du Dr. Pepper pour construire un réseau national d'embouteilleurs indépendants qui avaient des contrats de franchisés pour changer leurs sirops respectifs en cola. Dr. Pepper n'a pas réussi à entrer dans le nouveau marché parce que les choses étaient contre eux, hein, avec des compagnies déjà très populaires. Ça a changé en 1963. Une cour fédérale a dit que la saveur unique de Dr. Pepper l'empêchait d'être un cola, ce qui voulait dire que les embouteilleurs étaient libres de distribuer Dr. Pepper sans avoir de problème d'exclusivité avec Coca-Cola et Pepsi. Et à la fin de la décennie, on parle des années 60, Dr. Pepper était disponible d'un bout à l'autre du pays. Coca-Cola n'a pas tellement aimé cette expansion-là. Par contre, on parle de profil dans D Magazine en 1975 de Woodrow Wilson Foots Clements, haut placé qui a amené Dr. Pepper au niveau national. Donc, il parle de la réponse de Coca-Cola versus Dr. Pepper. En juin 1972, Coca-Cola a annoncé que Mr. Pibb, qui était sa réponse, si on veut, son imitation de Dr. Pepper, ils ont annoncé ce produit-là. Et l'article contient quelques petits commentaires entre les deux. Un porte-parole de Coke a dit que c'était pas ressemblant du tout. Il a dit « J'ai pas goûté à Dr. Pepper, donc je sais pas si c'est vraiment similaire à Mr. Pibb, mais je pense pas que c'est fait pour compétitionner avec. Là. À ce que je sache, Coke pensait qu'il y avait un marché pour ce genre de produit-là. J'ai pas goûté à Dr. Pepper. Ça goûte peut-être pareil, mais c'est pas voulu. Hein? » Bref, Clemens, de son côté, a contré ces efforts-là en disant que Coke avait aidé les ventes de Dr. Pepper. Mr. Pibb avait juste un goût simulé de Dr. Pepper, alors que Dr. Pepper avait le vrai goût. Et quand t'en voulais, c'était ça que tu voulais pour vrai. Hein? Pas pire quand même. Il n'y a pas de point dans le nom, et ça c'est un fait que vous devriez apprendre pour la langue anglaise en général. Hein? Ça a été nommé en l'honneur d'un physicien, mais la façon correcte d'écrire Dr. Pepper, c'est Dr. espace Pepper et non pas Dr. Pepper. La compagnie a enlevé le point parce que techniquement il n'y en a pas. Ça faisait partie d'un redesign dans les années 50 du logo corporatif. Plusieurs sources suggèrent que le logo était plus facile à lire sans la ponctuation et Dr. Pepper est erroné. Mais comme on dit, Dr. étant donné que le R est la dernière lettre du mot, tu peux pas mettre de point parce que ça remplace pas les lettres qui entrent les deux. Donc c'est Dr. espace Pepper. C'est pas seulement pour être bu froid du Dr. Pepper, hein, c'est toujours très bon quand il fait chaud, mais certaines familles se rassemblent à Noël pour un petit soda chaud en décembre. Dans les années 60, Dr. Pepper a essayé de stimuler les ventes des fêtes en parlant de leur hot Dr. Pepper avec du citron. C'était une alternative pour les rassemblements hivernaux. Ça a été populaire dans le sud quand même, mais c'est pas devenu quelque chose de très très populaire. Quand même, le hot Dr. Pepper a ses dévoués, ses fans. Footy Clemens, dont on a parlé tantôt, a dit à plusieurs journalistes qu'il buvait deux ou trois Dr. Pepper chauds le matin et une demi-douzaine de bouteilles froides l'après-midi, tu sais, quand t'es accro, là. Eh ben. La recette d'origine a peut-être fait surface en 2009. C'est un collectionneur de manuscrits en Oklahoma, Bill Waters, qui a payé $200 pour quelque chose qu'il a trouvé dans une boutique d'antiquité au Texas. Donc, ça faisait référence à Morrison's Old Corner Drug Store et des exemples de la main d'écriture de Charles Anderton. Une recette curieuse pour Dr. Pepper's Pepsin Bitters. Donc, mélanger un mélange de racines de mandrake et de sirop. Un porte-parole pour The Dr. Pepper Snapple Group a indiqué que les notes étaient probablement une recette pour un aide digestif et non pas la boisson gazeuse. Mais quand même, c'était mis aux enchères comme étant la formule originale d'origine de ce soda adoré. Les gens étaient d'accord. Ils ont quand même... ils ont pas réussi, en fait. Non, ils ont pas réussi à avoir le $25,000 de minimum. Même pas, quand même. Il nous en reste quelques-uns. Trois petits faits. Roanoke adore le Dr. Pepper. Donc, on se demande encore une fois s'il y a un Dr. Charles T. Pepper en Virginie. Ça reste un débat. On en parlait un petit peu plus tôt. Mais une ville de la Virginie aimerait mieux boire du Dr. Pepper froid que vérifier les faits. Roanoke est le plus grand marché pour Dr. Pepper à l'est du Mississippi. Et en 1957, la ville est devenue la capitale du Dr. Pepper au monde. Ouais, et le secret du succès, c'est l'histoire de l'aventure amoureuse dont on parlait tantôt avec Wade Morrison et la fille du Dr. Pepper, entre guillemets. C'est peut-être pas vrai, mais ça a mis Roanoke sur la map et ils utilisent ça dans leur promotion. Il y a une variante spéciale qui a disparu en 2012. Pendant 121 ans, une usine d'embouteillage à Dublin, au Texas, fabriquait et embouteillait du Dr. Pepper. En 2012, le Dublin Bottling Works était le plus petit embouteilleur du pays et aussi le plus inhabituel. On appelait ça le Dublin Dr. Pepper, qui était fabriqué avec du sucre de canne de sucre, c'est ça qu'on dit en français, canne de sucre, plusieurs années après que le reste du pays ait passé au sirop de maïs. C'était vendu dans des bouteilles style rétro et après une dispute légale sur les territoires de distribution et sur l'étiquetage, en 2012, Dr. Pepper Snapple Group a acheté la franchise, les droits de la franchise dans la place et ils ont discontinué le Dublin Dr. Pepper. Par contre, Dr. Pepper Snapple Group a accepté de fabriquer du Dr. Pepper avec du vrai sucre, spécifiquement pour la région du Texas. C'est triste qu'il y a ça juste là-bas parce que, tu sais, on connaît le Pepsi rétro, les autres boissons gazeuses avec du vrai sucre, c'est tellement meilleur. Et le dernier fait, il y a un musée du Dr. Pepper. On en parlait un petit peu plus tôt dans la chronique. Si vous avez besoin de plus de Dr. Pepper dans votre vie, Waco au Texas, il y a un musée dévoué à ce breuvage dont des documents sur sa création, des campagnes publicitaires, comme la campagne de 1977 Be a Pepper pour Dr. Pepper. Voilà pour cette petite chronique de son foutu palmarès sur les boissons gazeuses. Dans quelques instants, Véronique Mir s'en vient. Salut Véronique. Hello! Hey, ça va? Excuse-moi, wouhou! Wouhou! T'étais trop intriguée par mes sujets aujourd'hui. Ben oui, Dr. Pepper, c'est tellement bon en plus. Ah, mais hein, c'est une de mes préférées. Oh, miam, miam, miam. Qu'est-ce que tu as dans tes chroniques tantôt? Oui, alors je vais vous parler de breuvage du matin adoré. Dr. Pepper, chaud. Ah ben, certainement. Certainement. La démystification d'un mythe concernant le goût. Le cimetière des bagages perdus. on est d'un bout à l'autre. Ouais. Quelques conseils pour éviter le hangover de voyage. Comment préserver le bonheur après les vacances? C'est l'origine de deux expressions bien connues. On peut certainement pas manquer ça, c'est la Véronique Lepédie dans quelques minutes. Restez là. 89.1. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 23 novembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante, accompagné aujourd'hui de Véronique Mire pour les prochains instants. Ben oui! Qui a accepté de rester un petit peu plus que prévu, étant donné que l'absence de Tania. Eh oui, ça va me faire plaisir, puis j'espère que Tania va vite se rétablir. Oui, moi aussi. Je disais au début de l'émission qu'elle a probablement la même chose que moi il y a quelques semaines, et j'avais aussi manqué une journée au début de ce périple-là. Et après ça, quand je suis revenu, j'avais comme deux semaines où j'avais une voix vraiment détestable. Donc c'est peut-être la même chose qu'on va vivre avec Tania. Je me rappelle de quelques effets sonores. C'était pas très joli. Mais bon, hein, il faut ce qu'il faut. C'est ça, hein, on vit. On a une seule vie à vivre, il faut la vivre. Hein? Des fois, il y a des étapes difficiles. Donc, tu m'as donné la permission, en fait, de repousser un petit peu ta chronique. Ben oui, parce pour pouvoir continuer dans la même thématique. Oui, c'est ça, exactement. On parle de liqueur. Oui. Puis on aime ça, je pense que toi aussi, t'aimes la liqueur. J'adore la liqueur. J'essaie de slacker ça vraiment beaucoup. Moi aussi, mais ça fait que à chaque fois que t'en bois, c'est encore meilleur. C'est spécial, c'est tellement sage, ça. Bref, tantôt, on était dans son foutu palmarès, alors retournons-y. On a parlé de Pepsi et de Dr. Pepper. Parlons de Mountain Dew. Oui, le soda radioactif, là, jaune fluo, bizarre. Le Green Lantern l'a pissé, là. C'est la Grande Dépression qui a rendu ça possible, Mountain Dew. Mm-hmm. Ouais, c'est tout. C'était passé selon le plan. Ali et Barney Hartman n'auraient jamais été liés à ce soda fluorescent. À l'origine, ils voulaient que ce soit... ils voulaient être, en fait, des chefs de la liqueur orange, eux, au départ. En 1926, ces deux frères, hein, les deux frères faisaient partie d'un groupe qui embouteillait du Orange Crush à Augusta, en Géorgie. Orange Crush était un grand succès à l'époque. La Grande Dépression a frappé l'usine d'Augusta particulièrement fort. L'entreprise a donc fait faillite en 1932. Les frères Hartman sont déménagés à Knoxville, au Tennessee, pour aller rejoindre une franchise de Orange Crush là-bas. C'était à l'origine un mixeur pour le bourbon. Oh, oh. Du Mountain Dew. Ouais. Okay. Donc, les frères Hartman avaient un gros problème là, rendu au Tennessee pendant leur séjour en Géorgie avant. Donc, ils avaient commencé à aimer un soda citron lime nommé Natural Setup, qui était le compagnon parfait pour leur autre breuvage préféré, qui était le Old Taylor Bourbon, donc du bourbon. Et heureusement pour les frères Hartman, ils avaient une usine d'embouteillage à leur disposition. Donc, selon le livre Mountain Dew The History par Dick Bridgeforth, les frères ont commencé à embouteiller quelques petites batches de soda citron lime pour leur propre utilisation. Au départ, ils appelaient ça Personal Setup. Étant donné que c'était Natural Setup, à l'origine, ils ont choisi de le renommer Personal Setup. Plus tard, on l'a renommé Mountain Dew pour faire référence au moonshine, l'alcool pas illégal, mais c'est un petit peu bas de gamme qu'on faisait... Dans le temps de la prohibition. Dans le temps de la prohibition, exactement. Uh-huh. Donc, à la place de faire un drink commercial, le Mountain Dew était ce qu'on appelle un novelty, donc quelque chose qui n'était pas supposé durer longtemps, que les Hartman utilisaient pour mélanger des drinks du bourbon pour eux-mêmes et pour leurs invités. Eh ben, ouais. Un genre de club soda vert. Genre, ouais, c'est ça. Le lancement à l'origine de Mountain Dew était une blague. Okay. Dans le livre Fizz How Soda Shook Up the World, Tristan Donovan raconte le premier lancement de Mountain Dew à une convention de boissons gazeuses. En 1946, en blague, les frères Hartman ont décidé de demander à leur ami John Bricchetto de dessiner une étiquette avec une bande dessinée un petit peu mettant en vedette un hillbilly, pareil comme aux États-Unis dans les endroits bas de gamme. Ils ont ensuite annoncé le lancement de cette nouvelle liqueur-là qu'ils faisaient dans leur shack au Tennessee, si on veut. Donc, c'était une blague, tout ça. Et à leur surprise, un embouteilleur de Johnson City, dans Tennessee, a demandé les droits d'embouteiller ce soda privé. Et en 1951, la version commerciale de Mountain Dew était prête à être vendue en magasin. Eh ben! Le goût du Mountain Dew, à l'origine, ça goûtait pas du tout comme la version qu'on a aujourd'hui. Ah? Non? Si mélanger du Mountain Dew dans un verre de bourbon a l'air dégueulasse... Hein, oui, comme on effectivement. A dit tantôt. Ben, c'est parce que la recette, à l'origine, était pas mal plus près du 7-Up ou du Sprite. Cette version-là du soda n'a jamais trouvé de place dans le marché. Et en 1957, Tip Corporation, basée à Marion en Virginie, a acheté la marque Mountain Dew des frères Hartman. En 2001, le fils de Ali Hartman a révélé à l'Associated Press qu'il avait refusé l'opportunité d'acheter la marque pour 1 500 $ car il n'avait que 19 ans pour que son père et son oncle... l'ont vendu à Tip Corporation à la place. La saveur qu'on connaît aujourd'hui est un petit peu considérée comme une limonade aux agrumes. Oui, eh oui, c'est pas mal vrai. Ça. Mm-hmm. Donc, au début des années 60, Mountain Dew avait toujours de la difficulté à décoller. Et environ au même moment, l'usine d'embouteillage de Johnson City, qui avait aidé à commercialiser le Mountain Dew, était occupée à formuler une alternative à la populaire boisson aux agrumes Sun Drop. Je connais pas Sun Drop, mais ça existe. Donc, Bill Bridgeforth, dont on parlait tantôt, a choisi la saveur qu'il aimait. Il a fait un coup de marketing, d'emballage. Il a appelé ça la Tri-City Lemonade dans ses bouteilles de Mountain Dew. Donc, c'est l'étiquette qu'il y avait dessus. Et ça a changé la saveur de Mountain Dew pour toujours. Donc, on a vendu ça comme étant une limonade. Et ça a fonctionné. Fait que c'est du camouflage, mais ça a marché. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, la nouvelle saveur a mis la marque sur le radar sous le radar de Pepsi, oui. Donc, ce changement de saveur a donné à Mountain Dew un petit boost pour compétitionner contre des marques plus grandes, plus populaires, grâce à sa gimmick de marketing de tantôt avec le Hillbilly dessiné en bande dessinée, voyons, et sa formulation un petit peu plus goûteuse. Mountain Dew a commencé à avoir du succès dans le marché régional, tellement qu'en 1964, PepsiCo a acheté Tip Corporation. On se rappelle que c'est eux qui avaient acheté la compagnie tantôt. Ils ont acheté donc la marque Mountain Dew. Ils prévoyaient envoyer cette boisson régionale au niveau national. Comme on le dit dans le livre Fizz, dont on a parlé tout à l'heure, les Hillbillies passaient un grand moment dans la culture populaire, étant donné le succès de Beverly Hillbillies, les Picnos de Beverly Hills. Oui! C'était populaire à ce moment-là. Donc, Pepsi pouvait se permettre de garder cette marque très, très campagnarde, même en prenant plus de territoire avec Mountain Dew. Il n'y avait pas besoin de changer la marque parce que c'était à mode. Bon. Les Picnos, à ce moment-là. C'était dans quelles années, ça, les Picnos? Dans les années 60. Ah, parce qu'ils ont fait un film dans les années 90. Oui, exactement. C'était le retour. Ben, tu sais, la mode de ramener les vieux trucs, là, ouais, ça fait longtemps que c'est là, quand même. Hein, les pierres à feu. Il est enregistré sur mon décodeur enregistreur. Wow, avec les posts. Oui. Wow. L'introduction à Philadelphie du Mountain Dew était quand même particulière. Donc, on écrit dans Mountain Dew The History que l'embouteilleur de Pepsi à Philadelphie, oui, a amené Mountain Dew dans la ville avec une blague, comment dire, un tour ou un coup en table, une cascade publicitaire. Donc, alors que Mountain Dew était en train d'entrer dans le marché, on a reçu une drôle de demande au Philadelphia License Commissioner, donc ceux qui donnaient des permis, de la part de Herbert Eugene Walton, qui s'écrivait comme un picno de Turkey Scratch au Tennessee. On écrit que Herbert voulait la permission de construire une série de bécosses de bois sur des stationnements. Donc, c'était une campagne pour faire comme si le Mountain Dew était vraiment fait dans des bécosses. Okay. Tantôt, on racontait que c'était le référent avec le Hillbilly sur la bouteille, qu'on disait que c'était fabriqué dans des bécosses, dans des shacks. Bref. Le côté prohibition un peu. Prohibition a bien fonctionné. Et on a pu donner des échantillons de Mountain Dew dans la rue aux piétons qui passaient. Pepsi a fini par retirer de la marque ses fameux Picnos. C'était gagnant dans la culture populaire, les Picnos, à la fin des années 60, mais on a dû passer à autre chose éventuellement. Mountain Dew avait de la difficulté à trouver une place quand même au marché national où les buveurs étaient sceptiques de slogans un petit peu, comment dire, sales comme « It'll tickle your innards », ça va te chatouiller l'intérieur. Ouais, ouais. En 1969, donc, Pepsi a renvoyé ce plan de marketing à Thunder Scratch, comme on l'appelle. Ils l'ont retourné à leur endroit d'origine. Donc, ça a été une bonne idée parce que, comme on dit dans Fizz, même si Pepsi avait abandonné le marketing de Mountain Dew, la boisson a gagné en popularité. Les ventes ont augmenté de 300% en 1976. Et lorsque la marque a finalement choisi une stratégie de marketing dans les années 80 et 90 basée sur les sports et sur une personnalité irrévérencieuse, là, ça finit par avoir beaucoup de succès. Fait qu'on est passé de trucs sales à des personnalités irrévérencieuses. Ouais. C'est logique, là. Tu sais, c'est ça. Ouais. C'était très, très extrême, le Mountain Dew, pendant un certain moment, les années 90. Ça aurait pu être encore plus caféiné, nous dit-on. Le contenu de caféine du Mountain Dew est quand même légendaire. 55 mg dans chaque canette de 12 onces. C'est plus de 50% de plus que le Coke classique. Ah! Ouais, à un certain point, par la formulation de notre version populaire aujourd'hui, on a même monté ça à un plus haut niveau. La compagnie Tip Corporation, le haut placé Use Legal, a rappelé à l'auteur Bridgeforth qu'une recette prototype avait tellement de caféine à l'intérieur que lorsqu'embouteillé, la caféine se cristallisait et formait ce qui ressemblait à de la glace. Ouais, de la glace ou même de la vitre. Les deux. Hey boy, hein? OK. Ouais. Ensuite, personne a réussi à faire tomber Mountain Dew depuis. Donc, depuis que Pepsi fait du marketing pour Mountain Dew en tant qu'une boisson pour les jeunes actifs, le Mountain Dew a une très bonne place dans les boissons gazeuses. C'est la quatrième position sur les palmarès de vente américaines derrière Coca-Cola, le Coke Diet et le Pepsi. Coke a essayé plusieurs fois de détrôner Pepsi avec d'autres boissons aux agrumes. Tu te souviens peut-être de Mellow Yellow? Non. Non? On avait ça ici du Mellow Yellow pendant les années, au début des années 2000. Mais ça existe depuis 1979. C'était une liqueur, ça, ou un genre de jus? Une liqueur, ça ressemblait vraiment à du Mountain Dew, vraiment énormément. Mais c'était chez Coca-Cola à la place de Pepsi, c'est ça? Ouais. Donc, une campagne publicitaire de 10 millions de dollars a été créée, disant que c'était la boisson gazeuse la plus rapide au monde, ce qui veut absolument rien dire. Ouais, non, ouais. Bref, c'est devenu régional. Maintenant, c'est encore disponible à quelques petits endroits, mais c'est plus offert au niveau national. En 1996, Coca-Cola a amené Surge avec une publicité au Super Bowl et 50 millions de dollars de marketing, mais ça a quitté le marché en 2003. Par contre, Coke n'était pas prêt à lancer la serviette. Ils ont ramené Surge en 2014 seulement sur Amazon. Ah, oh. Ouais. Et Coca-Cola a récemment ramené Surge en magasin en tant que tel. Et un dernier, le marketing de Picno de Hillbilly refait des fois une petite apparition spéciale. Ouais, c'est peut-être plus quelque chose de très très rural, en fait ça l'a pas vraiment été non plus, mais la compagnie a rendu hommage à son héritage récemment en présentant Do Shine, qui était un soda qu'on appelle un petit peu comme les bières de microbrasserie, mais genre une boisson gazeuse de micro... embouteilleur, en tout cas, je sais pas comment dire, mais bref, c'est une version rétro de Mountain Dew avec du vrai sucre et non du sirop de maïs dans des bouteilles de vitre. Hein? Ok. Et donc, avec sur l'emballage, il y avait le Pecno, pareil comme dans le temps. Il y a le logo du présent MTN Dew, là, c'est comme ça qu'ils l'écrivent en anglais maintenant. Au Canada, c'est quand même écrit Mountain Dew au complet qu'on comprendrait pas sinon. Non, mais donc, le logo MTN Dew et ensuite le reste de l'emballage est super rétro. Wow! Ils ont aussi amené, comme tu as peut-être vu en dépanneur, en 2012, la marque Mountain Dew Kickstart, donc une variante qu'on est supposé boire au déjeuner, qui est supposé te donner un petit boost de caféine. Je pense que je connais personne qui l'a goûté au déjeuner. Non. Mountain Dew Kickstart. Pas moi, en tout cas. Vraiment pas, c'est pas quelque chose qui me tente du tout. Mais bon. Voilà, donc pour le Mountain Dew, petite liste dans son foutu palmarès, c'est bien sympathique. Prenons une pause musicale et après ça, on revient. Et tout de suite après, ce sera la Véronique Lopédie. Youhou! On écoute Raised on TV. Voici Shower, Work, Repeat. Sour Work Repeat par Raised on TV. C'est plus sur le palmarès en ce moment. C'était classique d'il y a quelques semaines, mois. Mais on commence à avoir fait le tour des palmarès. Mais c'est excellent, c'est cette chanson-là. Là. Ça rappelle le vieux stock là, des années 90. C'est vrai, cherche là, de la musique de même. Et ça fait festival aussi, j'aime c'est ça. C'est vrai. Oh, ouais. Là, on a besoin de ça. Road trip et compagnie. Exactement. On a besoin même d'aller sur la plage. Oui! Hein? Donc voici la Véronique Lopédie. On se met dedans, on approche des vagues. On absorbe l'ambiance. Et le soleil. Oui, on se met zen. Ah! La Véronique Lepédie qui est de retour encore. Ah, et oui, ça nous bien rend tellement heureux. Oh oui, ben toujours, hein, des milliers de sujets dans chaque chronique. Il y en a tellement. C'est une garantie. Et oui. Donc, quand même, c'est toujours un plaisir de chercher des trucs différents. Ouais. Je croise plein d'idées. De l'originalité. Oui. Donc, aujourd'hui, là, le premier sujet, je me suis dit, je vais le mettre en premier parce que c'en est un que ça fait deux fois que je le mets de côté. Puis là, c'est pas parce qu'il est pas intéressant. Non. Mais. Tu le coupais à chaque fin de chronique? Ben, je me disais, oh, je vais faire les autres. Mais là, je me suis dit, non, allons-y, là. Bon. Alors, démystifions un mythe sur le goût. Le goût. Que peut-être tu connais, mais que j'entends encore des gens dire, en fait, mythe concernant la langue. Ouais. Est-ce que tu me vois venir, là? Je sais pas, les super goûteurs, les... Non, la carte de la langue. Ah, quel endroit sur la langue goûte quoi? Oui. Ben voyons donc, ouais, j'ai entendu ça, c'est n'importe quoi, ça? C'est n'importe quoi. Ben tant mieux. Puis moi, je me rappelle que j'ai appris les goûts comme ça. Quand j'étais à l'école, vraiment, hein? Avec la carte, là, qu'est-ce qui était où? Tu sais, c'est ben, quand même au secondaire, là, donc jusqu'en 2000, là, mettons. La désinformation à l'école. Donc, c'est quelque chose, là, ouais. Parce que ça fait longtemps que ça existe plus, cette affaire-là, mais encore à radio cet été, je l'ai entendu démystifier, en fait. Les gens disaient okay, ça existe plus, mais j'entends encore des gens qui me parlent de ça, tu sais. Quand ça goûte sucré, là, ben, c'est comme un petit peu sur le bout de la langue. Ben, peut-être un petit peu, mais ça peut être ailleurs aussi. Oui, c'est ça. Donc, démystifions le tout. Alors, ça, c'est vraiment une croyance comme quoi qu'on avait des saveurs à des endroits spécifiques sur la langue. Donc, il y aurait justement le sucré sur le bout. Il y aurait l'amertume sur les côtés vers l'avant. Okay. Ah, désolé. L'acide ou le surette sur les côtés vers l'avant. L'amertume dans le fond de la langue. Et le salé sur les côtés vers l'arrière. T'avais pas une petite chanson secondaire ou primaire pour apprendre ça? Non, il y avait pas ça. Ça serait pas bien, par exemple, mais ça n'existe plus. C'est ça. Faites pas ça. Perdez pas votre temps avec une chanson. Non. Donc, c'est une croyance qui est due à une erreur de traduction d'une thèse en allemand d'un professeur David P. Hannig, publiée en 1901. Ça date, quand même. Qui a été traduite par un chercheur de Harvard, comme quoi Harvard n'a pas toujours raison, par Edwin G. Boring en 1942. Hein, Boring, il a-t-il le nom, lui? Donc, M. Hannig, lui, dans sa thèse de base, disait tout simplement que les gens qui l'avaient interrogé concernant le goût avaient l'impression qu'il détectait des saveurs sur des ondes précises de la langue. Mm-hmm. Il semblerait que M. Boring s'est dit qu'impression n'était pas un mot très intéressant qu'il l'a mis de côté. M. Ennuyant vous laissera intéressant. Donc, quelle erreur! Et ça a resté quand même très longtemps, comme vous le voyez. Moi, j'ai eu ça aussi à l'école. Donc, on perçoit les goûts un peu partout. Il y a certaines zones, par contre, qui peuvent le percevoir plus rapidement, mais pas uniquement tel ou tel type de goût, tu sais. Donc, ça dépend aussi de chaque individu. Les goûts sucrés et amers, qui sont, je vous rappelle, selon la carte de la langue, qui sont d'un bout à l'autre, là, vraiment, peuvent être perçus par les mêmes récepteurs, même s'ils procurent des sensations bien différentes. Annick Forion, une neurophysiologiste de la gustation, dit, et là c'est une longue citation, je vais vous la résumer après, là. Environ 8000 bourgeons gustatifs assurent la détection des saveurs. Ils sont présents majoritairement au niveau de la langue, plus précisément des papilles gustatives, mais également dans l'épiglotte, le pharynx et le palais. Ces amas sont constitués de 50 à 125 cellules spécialisées reliées entre elles. Celles-ci se renouvellent tous les 8 à 10 jours environ, permettant ainsi un maintien du potentiel gustatif même après une brûlure. Et les cellules des bourgeons gustatifs se terminent par des fines microvillosités qui entrent en contact avec les substances sapides dissoutes dans la salive. Donc, si on résume tout ça... S'il te plaît. Le goût. Hein, les goûts sont perçus un peu partout dans la bouche. Où est-ce que c'est mou? Sauf les dents. Hein? Donc, évidemment, c'est pas mou, les dents. Il y en a beaucoup, des papilles gustatives ou des bourgeons gustatifs, selon cette citation-là. 50 à 125 cellules spécialisées, c'est pas rien. Bonne nouvelle, elle se renouvelle. Fait que quand vous brûlez la bouche, soyez pas inquiets. Après 8 à 10 jours, ça revient. C'est pour ça que ça prend du temps un petit peu. Là, t'as mal à la langue longtemps, t'as l'impression de moins goûter. Oui, c'est ça. Puis paniquez pas quand ça vous arrive, ça va revenir. Ouais. Même si des fois, ça fait des sillons vraiment plus rouges, vifs, là, ça se renouvelle. Et c'est la salive qui les active. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut retenir c'est de cette citation. C'est beaucoup mieux dit comme ça. Hein? Ça parle pas des joues hein, pour le surette. T'as pas de... hey, c'est vrai! Oui, tu sais, les images des bonhommes de bonbons là, qui ont les joues qui rentrent par en dedans. T'as bien raison. C'est un bon feeling, mais pas trop souvent. D'après moi, il y en a, tu sais, dans les joues, probablement aussi. Petite parenthèse par rapport au goût, justement, ça peut varier d'une espèce à l'autre. Ah? Donc, les souris ne réagissent pas à l'aspartame. Ah, le faux... Pas l'édulcorant, un petit peu. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils mettent dans les boissons diète, là, qu'on a vraiment un arrière-goût de marde. Comme le Mountain Dew, mettons. Mountain Dew à l'aspartame? N'as-tu? Je sais pas. Mettons, on dira pas ça, non, là, quand même. On s'alliera pas diète, ça. Les diètes, tout ce qui est diète. Oui, t'as raison, t'as raison. J'aime tellement pas le pour goût remplacer ça. Tu sais, t'as l'impression que tu pourrais faire miam, miam, miam pendant 10 minutes. C'est ça. Bon. Je préférais rien boire que boire ça, honnêtement. Fait que les souris, eux autres, sont chanceuses et ils réagissent pas à ça. Et les félins ne sentent carrément pas le sucre. Non, pauvre. Ils sentent pas le sucre. Ils sont tellement doux, sweet, mais ils goûtent pas le sweet. Ils goûtent le pas. Le sucré. Donc, quand même. Ouais. Par contre, on peut modifier génétiquement. Par exemple, les souris, là, on fait des différentes expériences. Puis là, ben, ils peuvent réagir à des goûts ou pas. Donc, comme ils sont en train de faire des expérimentations au niveau des souris, ben, on se doute que c'est pour amener d'autres choses chez l'humain. Et il y a un goût là, que tout le monde connaît maintenant, le umami, là, qu'il ne faut pas oublier. Là, on a de la difficulté à décrire. Ouais, c'est comme le savoureux. Hein, ouais, c'est ça qu'ils disent, le savoureux, mais... Le savoureux, pour un, peut être du sucré, pour un, peut être le salé. Exact. Faut goûter quelque chose d'umami pour savoir ce que c'est. L'umami, ça se décrit pas vraiment. Non, c'est Et ça. Les gens ont des goûts différents. Il y en a qui vont goûter quelque chose de piquant très, très facilement, alors que moi, maintenant, il faut que ce soit vraiment piquant pour que je puisse le goûter. T'sais. Ah, ouais. Donc, ça dépend, ah oui, ça dépend okay. Oh mon Dieu, moi, ça dépend vraiment de quoi je mange. Mm-hmm. Oh, parce que je me rappelle une fois d'une salade de thaï chez Saint-Hubert. Qui est souvent pas si piquante que ça, puis je capotais, là. Mm-hmm. Ah oui, non, si tu veux me faire mourir, donne-moi un général Tao extra piquant du Thaï Express, genre. Ah, OK, OK. Je vais fondre en larmes. Ça, c'est trop piquant. Oui, quand même. Ouais. Et si vous mangez beaucoup de sel, c'est arrivé à des gens que je connais, faites attention, beaucoup de sel, et comme mettons un sac au complet de chips, sel et vinaigre, là, il se peut que votre langue réagisse fortement et que la peau superficielle de votre langue décolle. Ah, comme un sapin. Tellement c'est salé. donc, ça peut arriver. Mais ça finit par partir et ça se renouvelle. Ouais, je me suis jamais rendu là. Non, je veux pas y aller non plus. Je suis allé récemment dans un McDonald's. Oh oui. Et tu sais, je vais des fois chez McDonald's. Là, je suis allé, je suis retourné, puis tout goûtait fade et trop salé. Genre, les frites étaient beaucoup trop salées et la viande trop fade. Fait que je sais pas si mes goûts ont changé. Ah! Ben peut-être que ta langue est en train de se renouveler. Peut-être. C'est comme un serpent, tu l'as dit. Ça se pourrait. J'ai perdu une couche. Ouais. Oui. Donc voilà pour cette fameuse carte de la langue. Maintenant, justement, comme on est dans les goûts, un breuvage du matin adoré. Est-ce qu'elle pourrait être quoi? Bon, c'est sûr que là, bon, le café serait peut-être trop facile, hein? Mm-hmm. Chocolat chaud? On est proche, par exemple. Un verre de lait? Un verre de lait? Non. Spécial? Du lait de poule. Ben non! Non? Mais du quick! Du quick! Oui! Tu parles du quick en squirt ou en poudre? Le quick de façon générale. Du fraise même. Oui, oui, oui. Donc, l'origine du quick et tout ça, tout ce qu'on peut savoir sur le quick. Intéressant. Donc, son histoire commence en 1948 aux États-Unis. Où 1940 quick. Ça sonne comme, hein? où Nestlé lance Nestlé Quick, la première poudre instantanée pour boissons chocolatées. Mm-hmm. Hein, à la base, c'était uniquement chocolat. Étant donné que rapidement, ça connaît du succès, Nestlé commence à commercialiser la poudre partout dans le monde. Alors, elle fait son entrée en Europe en 1950. En 1961, quand elle arrive enfin en France, ça a quand même été long. Oui. Mais bon, en 1961, en France, eux, quand ils ont lancé le Nestlé Quick, ils ont distribué 1,2 million d'échantillons attachés à des bouteilles de lait. Quelle bonne idée. Fait que ça devait être cute. Ben oui. Quand même. Le lapin Quickie. Oui, il y a un nom, je savais pas qu'il y avait un nom. Oui, il y a un nom, Quickie. C'est la mascotte internationale de Nesquik, en fait, parce que Nestlé Quick est devenu Nesquik dans les années 1990. Plus facile à dire, hein? Mais dès la base, il y avait le Quickie, là, qui était la mascotte, qui était d'abord une marionnette, hein, parce que dans le temps, on n'avait pas de dessin animé, vraiment. Là. Donc, qui était animé par un ventriloque. OK. Ah, donc, ben, c'est lui qui lui prêtait sa voix. Maintenant, c'est une version dessin animé. Mais avant que Quickie devienne vraiment la mascotte officielle de Nesquik, il y a eu d'autres mascottes un peu partout dans le monde. Il y avait un chien, un kangourou. Et en Belgique, on avait une mascotte qui s'appelait Gros Quick. C'est quoi, une vache? C'est comme un bonhomme bizarre, jaune, très rondouillet. Oh, wow. Un sympathique personnage jaune et rondouillard, utilisé en Belgique, en France et en Grèce. Gros Quick, t'as dit? Gros Quick. Je suis allé googler ça. Mais quand même! Pour répondre aux différents besoins, comme c'était si populaire, ben Nestlé a voulu... c'est comme un animal qu'on pourrait pas... Je sais pas si c'est un animal ou un bonhomme. Je sais pas s'il est en forme... On dirait qu'il est en forme de mangue ou je sais pas trop quoi. Tu sais, avec le côté en bas très, très large et le côté en haut plus petit. Puis il y a juste une tête puis des mains. Ouais, c'est un gros bonhomme. Ouais, il est drôle. Ben, ils disent rondouillard, mais il est gros, là. Il est juste gros. Gros Quick. Il est bien emballé, bien enrobé. Oui. Ben oui. Je sais pas si peut-être c'était pas très bon pour la pub, tu sais, d'avoir un gros bonhomme qui boit du Quick. Sûrement pas. Peut-être que non. Donc, ils ont profité de l'occasion pour diversifier leur gamme. Alors, toi, Mathieu, est-ce que tu connais d'autres produits? Tu m'as parlé de du Squirt, là, ouais, c'est tantôt, ça. Donc, le Quick liquide ou le fraises, sirop. Au chocolat. Il n'y en a pas, genre, au caramel ou à la vanille? Il y a à la vanille, ouais. Oui, il est blanc, il me semble. La bouteille est blanche. Oui, t'as raison. C'est les seuls qui me viennent, honnêtement. Ça, c'est des saveurs, mais est-ce que tu connais d'autres produits Nesquik? Ah, autre que la poudre et le Squirt? Oui. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je sais pas, directement buvable à même le contenant. Ou autre. Oui, t'as raison. Pas oui, à mélanger déjà soi-même. Déjà fait, là. Oui, ça existe. Oui, les bouteilles déjà préparées. Est-ce qu'ils font des biscuits à saveur de Quick, peut-être? Non, mais ça serait une bonne idée. Oui, j'aimerais ça. Mm-hmm. Non, j'ai plus rien d'autre. Ben, ils font aussi des céréales. Ah, peut-être ben que oui, tu te souviens d'avoir vu les céréales rondes, un peu comme les Corn Pops. C'est là, pareil comme des Reese's, les céréales Reese. Ça goûte vraiment pareil. OK. Je trouve. J'ai pas goûté ça. Ben, c'est moins le beurre de peanut butter. Est-ce que tu manges ça le matin? Ouais, mais là, faut que j'arrête. Mais ça, je mangerais ça le soir. Tu sais, ça a l'air tellement sucré. C'est vrai, les boîtes de Lucky Charms sont en spécial, format familial. Là, j'ai pas le choix. Faut que résister, tu sais. Faut que j'arrête. Quand même. Ils font des bonbons aussi, des popsicles. Oh. Mais nous, on n'en a pas ici. Ça doit être plus aux États-Unis. Là. Donc, on a parlé de poudre, sirop. Il y a la poudre sans sucre aussi. Ouais, bon. Le sirop sans gras ou moins gras. Okay. Donc, les gammes, là, si on veut, là, pour les différents amateurs. Quand on veut, mais tu veux pas que ça goûte la vraie affaire. Tu sais, c'est poche. Sérieusement. Tant qu'à en boire, bois-en moins, puis bois la vraie. Hein? Quand même. À mon avis. Fait que, tu sais, poudre ou squirt. Toi, t'es quoi, le poudre ou squirt? Je serais plus squirt. Plus squirt. C'est plus égal. C'est puis vrai. T'as comme un petit fond plus sucré au fond, oui, tu prends avec une cuillère. C'est très bon. Et d'ailleurs, moi, je m'entraîne beaucoup et le lait au chocolat... C'est pour ça que tu peux t'en permettre, du coup. Le lait au chocolat, après l'entraînement, c'est très recommandé. Hein, oui. Ça vite restaure les muscles et tout ça. Mm-hmm. Puis ça fait tellement plaisir. Tu sais, tu reviens d'un gros entraînement, tu te prends un gros verre de Quick, là. Quand tu sais, pendant que tu t'entraînes, que ta récompense va être ça... Juste à y passer, j'ai le goût, on dirait, là. J'en ai pas bu un matin, mais moi, je suis avec une paille, tu fais des bulles, très amateur. Mais pas... T'as-tu vu l'annonce? Le petit gars, il faisait ça. Non. Parenthèse. Tellement de bulles, ça renversait sa table, puis il mettait sa paille sur sa table, puis il buvait le Quick direct sur sa table. Oui. C'est parce que tu bois les pattes du chien. Très bien, je sais pas trop quoi, ouais. Ouais, c'est ça. On parlait d'arômes différents. T'as dit chocolat, vanille et fraise. Ouais. Ben, dans les connus, il y a aussi double chocolat. Hey, hein, ben oui, parce que c'est pas assez chocolaté du Quick, clairement. Est-ce que tu goûtes ça? Ah, je pense qu'il y a deux chocolats. Deux chocolats différents. Voyons, mais en juste plus. T'sais. C'est pas comme du fromage où t'as de la mozzarella, puis tu sais, d'autres sortes de fromages que tu. Le chocolat, non, c'est du chocolat. Ça goûte ça. T'sais, c'est pas enrobé de, tu sais, c'est dans ton lait. Fait en que. Il y a aussi qu'on n'a pas ici, banane et fraises. Oh! Ça pourrait être yummy, ça. Oui. Cookies and cream. Mm-hmm. Au miel. Étrange. J'essaierai, mais. C'est Quick au miel. Je trouve ça dénature un peu le Quick, mais bon. Crème soda. Non. Hein? Ah, ouais. Non. Framboise, bon, c'est tel que tel. Mais ça doit être chocolat et framboise. chocolat et crème soda. Ah, c'est peut-être... ben non? Non, parce que la vanille, c'est juste vanille. T'as raison. C'est pas, je sais pas. Et finalement, cassis. Bon, là, ils vont chercher obscur un petit peu, là. Mais souvent, c'est pour les pays occidentaux, là. Ouais, c'est pour ça. La Chine, le Japon, là, qui vont aller chercher des saveurs un petit peu plus comme ça. Oui. C'est ça, orientaux. J'ai-tu dit occidentaux? Ici, excusez-moi. Orientaux, oui, oui. Je pense aux bonnes saveurs du chocolat. Ça mélange mon esprit. Donc, voilà pour Nesquik. Vraiment le fun, ça. Ça me donne envie. Mm-hmm. Mais faut pas... Maintenant, oui. Le cimetière des bagages perdus. Ouh, OK. À l'aéroport, c'est ça? Est-ce que... Ben, un peu partout dans le monde, okay. En fait. Donc, c'est dans la revue CA de l'automne 2017 où il y avait un article là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Ça disait qu'il y avait 23,1 millions de bagages qui ont été temporairement égarés ou perdus en 2015. Mm. Mais quand même, c'est quand même beaucoup. Donc, 6,5... C'est tout le temps bizarre, ça. 6,5 valises pour 1000 passagers. Oui, ben oui. Ce qui t'en perd la moitié des fois. C'est ça. Ils sont déclarés officiellement perdus après 21 jours mm-hmm. par la majorité des compagnies aériennes. Donc, ça, c'est des valises ou des bagages temporairement égarés ou perdus. Soit parce qu'il y a eu une escale, ça s'est perdu en chemin, la personne l'a oublié parce qu'elle a bu un verre en trop en attendant son avion. Parce que t'as pas mis des petites étiquettes GPS sur ta valise comme tu devrais faire, ça coûte 30$. Ouais, c'est ça. Ou bien, tu sais, t'avais trop de bagages à main puis t'en as laissé un à ta place, t'es parti trop vite. Est-ce qu'il y a une assurance? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que t'as voyagé, toi? Est-ce que t'as une assurance si jamais tes bagages sont perdus par l'aérien? Oui, t'as une assurance. Moi, j'apprends tout le temps, ça me. Ok, faut que tu la prennes. Faut que tu payes pour. Oh boy. C'est ta compagnie ou la compagnie que tu vas choisir. Puis, c'est un engagement de la part de la compagnie. Mais reste que tes affaires. Que t'aimes, t'es a perdu, là. Tu sais, tu peux te racheter d'autres choses, mais bon. T'amène rien que t'aimes. Faut pas que tu sois matérialiste. C'est ça. Donc, quand même, les compagnies vont tenter de voir dans la valise est-ce qu'ils peuvent retrouver la personne. Donc, ils vont tenter de voir s'il y a une carte ou quelque chose qui les permet d'identifier le voyageur. Ben, probablement, identifie vos maudites valises. Oui, c'est ça. Ben, je vais y revenir. Ouais. Donc, il y a la compagnie, une très grosse compagnie qui s'appelle Cita World Tracer, qui est Société internationale de télécommunications aéronautiques, qui, elle, a un système d'objets perdus international qui fait affaire avec 400 compagnies aériennes. Parce que vraiment, tout ce qui est aérien, eux autres... Pas de train là-dedans. Il n'y a pas de train. Eux autres, c'est vrai. Ça fait quand même 40 ans, je pense, qu'ils existent. Puis leur but, c'est vraiment d'améliorer tous les transports aériens sous toutes leurs facettes. Donc vraiment, là, ils sont très généralistes. Donc justement, après un certain temps où les bagages n'ont pas été rendus ou réclamés, ou bon, ils vont être soit rendus à des organismes de charité, détruits ou vendus. Ah, des enchères, style? Un peu comme des maisons qui sont... c'est quoi, des maisons qui sont fermées quand les banques, tu sais, les foreclosures des maisons, puis les mettent aux enchères. Oui, il peut y avoir des enchères où on sait pas trop ce qu'il y a dans les valises. Hein. Il y a une émission, justement, à Évasion, où, bon, toutes sortes de... Les guerres de... bagages aux enchères. C'est ça, oui. Puis là, en anglais aussi, là, mais c'est vraiment, en fait, des gens misent sur des valises avec les bruits qu'ils entendent ou qu'est-ce qu'ils pensent que c'est, ou l'état de la valise. Wow. Puis des fois, ils font toutes des trouvertes assez spéciales. Des découvertes, des trouvertes. Des trouvailles, découvertes, des trouvertes. Oui, ça, c'est tout mêlé. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Tu parlais de conseils pour éviter la perte de bagages justement par rapport à ça. Identifiez vos valises. C'est la base. Là. De base. Donc, mettre une étiquette sur la valise. Ils recommandent aussi d'en mettre un dedans parce que, tu sais, si ton étiquette est arrachée. Évitez aussi les vols avec escale. Ouais. Parce que là, ça peut se perdre entre deux. N'arrivez pas à l'aéroport à la dernière minute non plus. Donc, pour éviter que votre bagage soit dans un autre avion. Il y a une compagnie aux États-Unis qui s'appelle l'Unclaimed Baggage Center, qui existe aussi depuis 40 ans, qui fait affaire avec de nombreuses compagnies aériennes, qui est un espèce de gros magasin au détail d'objets. eux autres, ils trient les valises. Okay. Fait qu'ils vont nettoyer les bijoux, nettoyer les vêtements. Ah, ouais. Ils vont aussi, s'il y a des objets électroniques ou autres, ils vont s'assurer qu'ils sont vidés de toutes les données personnelles. Ouais. Et tu peux aller acheter des choses. Bonne idée. Et eux, leur slogan, c'est « You never know what you'll find ». Ben oui. Parce que tu sais jamais. Et ils ont trouvé plusieurs choses spéciales dans les valises, comme une caméra de navette spatiale. Quand même pas rien. Wow. Une armure médiévale. Ouais. Et une peau de zèbre entière. Ben, voyons donc. Fait quand même, c'est quelque chose. Alors, et si on parle d'avion, à ton avis, quel est l'objet le plus souvent perdu ou égaré dans un avion? Ah... Colin, je sais pas. C'est certainement pas un animal de compagnie. Non. Ça se trouve assez facilement. Je veux dire un bas. Un peu comme tu perds tes bas dans la laveuse. C'est quelque chose de vraiment important. OK. Ouais. Pas ton ordinateur? Non. Que si tu voyages pis t'as pas ça, ça va pas bien, là. Ah, ton billet! Ton passeport! Ton passeport, voyons. Oui, c'est l'objet le plus souvent trouvé dans les avions parce que quand ils font remplir souvent la petite carte là, pour les douanes et tout ça, la majorité des passagers vont mettre leur passeport dans la pochette en avant dans le c'est plus facile d'accès. Siège à l'avant en se disant « Je vais le remplir plus tard. » Puis ils l'oublient. Ça arrive très souvent. Alors voilà, concernant le cimetière des bagages perdus, mais mon prochain sujet est en lien. Ah, oh. Truc insolite trouvé dans des bagages. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est le journal britannique, le Daily Mail, qui a sorti un article en février 2016 quand même, mais bon, qui est toujours comique à remettre de l'avant. Concernant des trucs bizarres qui ont été passés plus en contrebande, hein, généralement, parce qu'il y a beaucoup de restrictions, mais... Si quelqu'un offre de l'argent pour faire passer quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va dire hey, « moi, je vais m'essayer. » Pourquoi pas? Alors, pour un homme qui voulait transporter quelque chose de Bangkok en Iran, son quelque chose à lui, c'était un lionceau de 2 mois. Dans sa valise? Qu'il a mis dans une valise remplie de peluches, donc d'animaux en peluche. Je pense que le lionceau était drogué, là, c'est certain. Là, il dormait, donc il a passé ça. Au Congo, ça, c'est un petit peu plus tragique comme histoire. Un contrebandier a pu faire passer un crocodile à bord d'un avion. Donc, c'est des aéroports extérieurs, généralement. Ouais. Donc, probablement qu'il a payé les douaniers là, pour rentrer ça dans l'avion. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, en fait, c'est arrivé le 25 août 2014. Le crocodile est sorti de où il était. Et il a fait peur aux passagers qui se sont tous massés vers l'avant de l'avion. Alors, l'avion a crashé. Non. Tout le monde est mort, sauf une personne. Ouais. Et le crocodile? Aussi ils disent qu'il s'est réchappé de la patente. Mais bon, ça, c'est selon le témoignage de la personne qui était vivante, qui s'en est sauvée. C'est fou, ça. C'est vraiment tragique. L'arme de crocodile? Non, les vraies larmes. Oui. Au Mexique, en 2013, les agents des douanes ont trouvé une femme dans une valise, une femme vivante qui essayait de traverser la frontière américaine dans le compartiment bagages. Une petite femme? Une petite femme. Oui, probablement. En 2012, à New York, les agents des douanes ont interdit à un homme de prendre une tronçonneuse remplie d'essence. Remplie d'essence. Et prête à l'usage. C'est ça le problème, là, c'est ça. C'est ça, oui, parce qu'effectivement, ils lui ont dit « Monsieur, allez vider votre essence là-bas » et il a pu quand même porter sa tronçonneuse à bord de l'avion. Wow! Quelque chose. Ouais. Et il y aurait aussi, mais là, je n'ai pas les dates, donc est-ce vrai à suivre? Un lance-roquette, 3 mines, 1 millier de tarentules, 1 cheval dans une cage à chier et même une tête humaine. Hein? Dans le format. Bon, ça fait flashy. Ah. Ouais, mais c'est le Daily Mail, hein, c'est le journal de Montréal de là-bas, de et la Grande-Bretagne. Donc, quand même spécial. Comment éviter un hangover de voyage? Oui, un lendemain de veille désagréable. Oui, c'est selon le magazine Oprah. Encore un peu de tout. Plus fiable que le Daily Mail, quand même, c'est Oprah. C'est intéressant. Ah oui. On parle de plusieurs sujets. Alors, le Journal of the American Medical Association a démontré que 21% des passagers aériens ont le rhume dans la semaine qui suit leur retour. Oui, il y a beaucoup de monde autour de toi, très près de toi aussi. Oui, exactement. Alors, souvent, le problème vient du fait que quand tu te prépares pour ton voyage, le niveau de stress augmente beaucoup, même si t'es content de partir en voyage. T'es plus facilement contaminable, c'est ça? Oui. Okay. Tu sais, choisir où tu vas habiter, ce que tu vas apporter, tout ça. Il y a des gens que ça stresse tellement que ça supprime le système immunitaire. Donc, ils vont attraper le rhume en revenant. Donc, quelques conseils pour éviter que ça vous arrive. Dans l'avion, premier conseil, transformez-vous en germophobe. Ah oui, hein, devenez vraiment comme Donald Trump. Savais-tu que Donald Trump est super germophobe? Ah, non. Ouais. Mais moi, j'avais Monk en tête. Hein, oui, aussi, le détective. Hein. Ouais. Donc, il y a des gens qui pensent que le rhume peut s'attraper dans l'air de l'avion, qui serait comme trop comprimé, si on veut. Ça, là. Mais c'est faux. En fait, l'air, c'est pas tant ça le problème parce que 50% de l'air en cabine passe dans plusieurs filtres. Ah. C'est filtré, qui capture 99,9% des Mon Dieu, des particules 20 à 30 fois par heure. Wow. Mais c'est 50 % de l'air, fait que c'est quand même pas tout. Le problème, là, c'est les accoudoirs et les plateaux. Ben oui. C'est là où il y a le plus de birques, de bactéries, mais c'est nettoyé là, quand même d'un vol à l'autre, mais c'est bon. Les gens peuvent changer de place des fois, ou tu es éternu comme ça devant. Ouais. Fait qu'on recommande d'utiliser des lingettes désinfectantes pour désinfecter ça, tu sais, mais bon. Et moi, personnellement, quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, j'avais lu que les téléphones et les manettes de télé, c'était épouvantable, comment c'est dégueu, parce que les femmes de chambre ne les nettoyaient pas nécessairement. Fait que maintenant, je les nettoie rapidement, je suis bien contente, mais je suis pas sûre que je sortirais ma petite lingette Lysol dans l'avion puis que je désinfecterais mes accoudoirs, tu sais. Je sais pas. Les accoudoirs, est-ce que ça, sont peut-être en tissu? Des fois, ça peut être difficile à laver c'est en plus. Ça. Peut-être le plateau, bon, mais... Ouais. Tu sais, évitez surtout de mettre vos mains dans votre visage. C'est ça, en fait, portez un masque, au pire, c'est faites comme si vous aviez une maladie incurable. On peut faire ça, mais surtout aussi quand on est sur le point de manger, juste de prendre un petit peu de désinfectant à main, 60 % d'alcool et plus, c'est ça qu'on recommande. Ah, 60 % d'alcool. Oui. Ah, je savais pas ça. Fait que tu sais, tu peux en boire un petit peu, puis... Ouais, c'est ça. Gargarise-toi de... jouer avec une balle en vol. Oui, pour déstresser un peu. Ben, pour déstresser, mais aussi pour enlever les tensions qu'on a dans le dos. Ah, ben oui. Qui peuvent faire aussi qu'on se sent mieux. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec le rhume, mais c'est un truc qu'on donnait là, pour éviter les courbatures. Pas fou, pas fou. Au-delà de 2-3 heures, on dit qu'il faut bouger là, quand même, au moins bouger les orteils, déplier les genoux, puis essayer de se lever si on peut. Quand on voyage en tant que tel aussi au restaurant, une fois de temps en temps, tenter de manger des aliments santé préparés localement. T'sais, préparés de façon locale. Pour préparer ton estomac... Ben, pour que ce soit un petit peu moins... ça, moi, ce conseil-là, je le trouve un peu plate parce que personnellement, en voyage, je mange pas mal n'importe quoi. Là. J'aime mais surtout ça me gâter, local, tu vas pas aller chercher un McDo quand t'es en non, vacances. Non, mais dans le sens, mettons, si tu manges un steak frites, ben plutôt que prendre les frites, tu peux demander des légumes, tu sais, de spécialité, faits dans une sauce spéciale ou quelque chose, pour avoir des légumes, ou remplacer ton fish and chips par des patates à préparer de telle façon, mais bon. Donc, un conseil qu'on donne pour, tu sais, donner un peu de vitamines, là, en fait. Puis, le dernier conseil, que là, en tout cas, vous en ferez ce que vous voulez, mais la veille du retour à la maison, on recommande de se coucher plus tôt. Ouais, mais là, tu sais, là, c'est ta dernière journée. C'est ça. T'as pas le goût, là, de faire ça. Mais, ou au moins, si vous recommencez à travailler le lundi, ben d'arriver le samedi plutôt que le dimanche. Pour vous donner deux nuits de sommeil. Ouais. Pour éviter d'attraper le rhume. Donc, le conseil germophobe est intéressant. La balle peut être bien aussi parce que, oui, les courbatures, quand tu es assis pendant 4-5 heures, ça les peut arriver. Les sièges sont vraiment serrés. Beaucoup de place pour les jambes, pour les grands comme moi. C'est épouvantable. Oui, oui, oui. Donc, pour le reste, ben manger santé une fois de temps en temps. Puis, la veille, essayer de peut-être diminuer un peu là, les grosses beuveries juste avant d'arriver. Donc, voilà pour Hangover. Mm-hmm. Pour terminer, petit rapidement, origine d'expression. Ah, ben oui, on aime ça. Avoir la puce à l'oreille, ça viendrait d'où cette expression-là? La puce à l'oreille, c'était dans le temps qu'on savait qu'un jour les robots allaient prendre la place dans le monde. Fait qu'une puce dans l'oreille, c'est quand tu te faisais donner des idées par le gouvernement à travers une puce dans ton oreille. C'est ça, hein? Mon Dieu, mais c'est intéressant. Mais non. Mais non, c'est pas ça. Donc, en fait, avoir une puce à l'oreille, hein, c'est un sens très fort pour une violente inquiétude ou un tourment qu'on pourrait vivre. Et en fait, c'est une personne qui aurait eu une puce qui se serait logée dans son oreille, qui l'aurait piquée pendant la nuit puis qui aurait comme hurlé de douleur. Et ça aurait comme déboulé de l'histoire qui aurait été racontée au village, qui aurait comme été racontée. Le jeu du téléphone, là, Donc, puce à l'oreille. Autre expression dans le même genre, donner sa langue au chat. C'est quand ton chat n'est plus capable de se laver lui-même parce qu'il est trop âgé. Donc, tu te mets à laver avec ta propre langue. Wesh! Ben, tu sais... Mais non! Non! C'est pour marquer la fin des devinettes. Hein, on se rappelle de cette expression-là. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? L'ancienne formule, c'était « Jetez-vous votre langue au chien. » C'est pas le fun, ça. J'aime pas les chiens. Mais c'est pas la même affaire parce que le changement d'animal domestique est moins brutal que langue au chien qui, en fait, c'était une réalité plus féroce où, à l'époque, il y avait des mutilations humaines qui n'étaient pas une simple façon de parler. Huh. Alors, okay, sur cette note Game of Thronesienne... spoiler! Quelqu'un passe sa langue! Pas juste sa langue, la terre! Quand même! Wow! Hey, c'était excellent comme toujours, Véronique Mir. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir à chaque fois, aux deux semaines. Pour tenir tout ça, là. Oui, oui. Faites pas comme moi, là. Retenez les informations. Moi, ça, je perds la mémoire tellement. Ah, mais là, mais des fois, dans un contexte X, tu sais, pouf, ça te revient. Oui, ça revient, c'est ça. Ouais. Ben, moi, ça revient, mais je le raconte mal. Moi, c'est le jeu du téléphone, là, mais c'est moi, c'est ça en permanence. Moi, c'est les blagues, tu sais. Oui, c'est ça. Ça finit pas pareil, elle commence pas pareil. Non, c'est ça. Le milieu, il y a de... ça ressemble un petit peu. Bref, on te retrouve dans deux semaines. Oui, mais je peux rester un peu avec toi, si tu oui, veux. Oui, bien sûr, mm-hmm. bien sûr. Mais bien la sûr. Véroniclopédie de retour dans deux semaines, effectivement. Les jeudis matin à 7h30. Oh oui. Mais oui, tu l'as dit, tu restes avec nous. Alors, on va prendre une pause. Au retour, qu'est-ce qu'on a? On a un bloc de... remplissage avant Stéphanie Paradis qui s'en vient à 9h avec Patate de Sofa, mais pour l'instant on vient. C'est assez fou. 89.1. Toujours à Assemblage Requin, ce jeudi 23 novembre 2017. Toujours Mathieu Plante. Tania Baudin a congé aujourd'hui parce qu'elle est malade, malheureusement. Mais Véronique Mir reste avec moi pour un petit bout encore. Oui! Merci. Hey, hein? C'est le fun, ça. Ça commence bien la journée. Mais on va jouer ensemble au jeu Le Vrai, Le Faux dans quelques instants. Oh, excellent! Oh. Mais avant ça, on écoute une petite pièce. On est dû, hein? Ça fait quand même un bon petit bout de temps dans l'émission. Donc voici Mara Tremblay avec la pièce Avec le soleil. Mmh. À Assemblage Requin. J'ai rendez-vous avec le soleil. J'arrive à l'heure, il m'offrira son dernier regard, son dernier élan, son grand déploiement. J'ai rendez-vous avec le soleil. Avec la pièce Avec le soleil. Assemblage requis. On aime ça, c'est calme, ça fait très très début de journée. Et ça fait voyage, vacances. Absolument, t'as raison, il y a tout dans tout. Tout est dans tout. Maintenant, on va jouer un petit jeu ensemble, un jeu qu'on fait une fois de temps en temps. D'habitude, c'est Tania. Et Tania, une fois sur deux, du succès, et une fois sur deux, vraiment aucun succès. On va voir ce que tu fais avec ça. Donc, voici le vrai, le faux. De 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur internet une tempête d'images, un faisceau, le vrai, le faux se touche dans le noir car oui vraiment on ne peut pas tout savoir. C'est le vrai, le faux, donc tu dois déterminer, Véronique Mir, si une nouvelle que je te dis est vraie ou fausse. OK. Et habituellement, Tania s'écrit ses propres points. Est-ce que tu as un stylo avec toi? Ah oui, il y en a un ici. Donc, j'ai chaud, là, je sais pas pourquoi. Tu notes tes bonnes réponses seulement et le total de questions que je t'ai posées, ça te va? Oui. Commençons par un prisonnier qui meurt après un baiser empoisonné. Hein, une femme qui a reçu donc une sentence de 2 ans en prison après que son copain, qui est un prisonnier, soit mort de son baiser aux méthamphétamines. C'est au pénitencier de l'État de l'Oregon que ça se serait passé. Donc un baiser de méthamphétamines qui s'est transmis et le gars derrière les barreaux est mort et la femme a reçu une sentence de 2 ans pour un complot de drogue. Hein? Est-ce que ce serait vrai ou faux? Ben là... méthamphétamine. Mm-hmm. Fait que quand il est arrivé à la porte, elle devait avoir des babines grosses en maudit. Peut-être, des problèmes de dents, je pense aussi que ça cause, il me semble. Il me semble que oui, je sais pas. Je sais pas trop. Mm-hmm. Ça aurait fallu qu'elle mette ça à dernière minute avant de rentrer. Peut-être. Je dirais faux. C'est vrai. Ah, non! Oui, Miss Anne Blair et Anthony Powell ont partagé un long baiser à la fin d'une visite l'an dernier à l'Oregon State Penitentiary. Elle a passé 7 petits ballons remplis de méthamphétamine dans sa bouche à lui. Ah! 2 des ballons ont percé dans l'estomac de Powell, un court laps de temps plus tard, il est mort de méthamphétamine. Donc, selon ce qui s'est passé en cours, le juge du district, Marco Hernandez, a dit que les actions de Blair faisaient partie d'un complot créé par Powell et d'autres pour amener des drogues dans la prison. On dispute, donc il y a une controverse à savoir si Blair a participé de son propre accord, mais Powell a quand même partagé la responsabilité pour sa propre mort, selon le juge Marco Hernandez. Ah, fait qu'il voulait faire rentrer ça dans la prison, dans le fond. C'est pas pour le tuer, là. Non, c'est ça. Ah, tout compris. Et l'homme de 41 ans qui était en prison, c'était pour meurtre, qui aurait poignardé sa belle-mère, selon les dossiers de la cour. Donc, voilà. Bon, certains diront qu'il méritait de mourir, mais on dira pas des affaires quand même. Non. C'est pas correct. Justement, parlant d'empoisonnement, est-ce que c'est vrai qu'une femme a été tuée par des échantillons de parfum empoisonnés? Ce serait donc un avertissement de l'hôpital Glen Eagles au sujet de la mort de femmes qui auraient sniffé des échantillons de parfum. Ben, je sais pas si elle est morte de ça vraiment, mais je sais que ça peut arriver parce qu'il y a des fortes réactions allergiques au parfum. C'est tout à fait vrai, mais ma question est sur cette femme-là. Sur cette femme-là, je dirais oui, vrai? Non, c'est faux! Jusqu'à maintenant, son crayon, ça n'a pas grand-chose! Donc, Glen Eagles Hospital a sorti un avertissement urgent disant que, on dit présumément parce que là, on sait que c'est faux maintenant, là, mais que cette femme était morte après avoir sniffé les échantillons de parfum qu'ils avaient reçus par la poste. Ouais. Donc, l'avertissement parlait de femmes qui avaient été tuées en octobre 2001. En fait, c'est de là que ça date, ce message-là, un mois après les attaques terroristes du 11 septembre. Il y a des versions qui ont circulé en ligne de différentes façons, mais il n'y a rien là-dedans. Aucune de ces morts-là précises ont eu lieu. La prémisse était que le gouvernement empêchait cette nouvelle-là de sortir pour pas causer de panique. Mais bref, c'est faux. Ah ben. Ensuite, on parle, t'as sûrement vu ça passer aux nouvelles, que le président Trump aurait retiré les pardons des dindes. Tu sais, les présidents américains pardonnent tout le temps des dindes à chaque année pour l'action de grâce. Ah. Est-ce que c'est vrai que le président Trump a retiré les pardons demandant à ce que les oiseaux soient exécutés par firing squad, donc par les gens qui tirent tous ensemble sur les mêmes affaires, donc ici sur des dindes? Est-ce que ce serait vrai ou faux? Moi, je dirais que c'est vrai. Boy, je te donnais quasiment un gratuit, là, un freebie, c'est faux. Quand il était vraiment... Ça va pas bien. Je pensais vraiment que celui-là, c'était celui que t'allais avoir le plus. Je me suis dit, il est tellement... Ouais. Donc, ça a commencé le 24 janvier 2017 sur le site web Real News Right Now, qui avait publié un article disant que le président Trump avait renversé les pardons des dindes du président Obama, demandant l'exécution de 5 dindes qui avaient survécu. Mais c'est faux. Ah. Ensuite, tu vas avoir un point au jeu. Je te fais confiance. Est-ce que c'est vrai que des avions de la marine américaine ont tracé des dessins obscènes dans le ciel au-dessus d'une ville de Washington? Ah, maudit. Donc, ce serait la Naval Air Station Whidbey Island. Ben, moi, je dirais que non. Faux! Tu penses que c'est faux? Oui! C'est vrai, Caroline! Les résidents de la ville de Washington ont eu un grand spectacle dans les airs courtoisés donc de la marine américaine. Ah. Les officiers de la Naval Air Station Whidbey Island ont dit qu'un des avions a créé des dessins dans le ciel en forme de pénis masculin, donc un pénis... Masculin en plus? Oui, ouais, c'est ça, c'est précis quand même. D'appareil génital masculin, disait okay. L'article. Bah, je voulais juste décensurer ça. Mais finalement, en disant ça, j'ai fait pénis masculin. Dans le ciel au-dessus de cette communauté rurale, dont plusieurs résidents ont vu ces traces-là dans le ciel bleu de cette ville du centre de Washington. C'était pour leur faire plaisir, c'est ce qu'ils disent. Ben, en fait, la marine dit que c'est complètement inacceptable. Mm. Puis ils vont tenir responsables les gens qui l'ont fait. Ah. La Federal Aviation Administration dit qu'ils ne prévoient pas faire quelque chose contre ça parce que cet acte-là n'était pas un risque de sécurité et que l'agence ne peut pas contrôler la moralité en tant que telle. C'est pas ce qu'ils font, hey, ils ne font que... Mais je pensais que oui, tu sais. Ouais, mais c'est seulement les vrais crimes. OK, OK. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'on est toujours dans le vrai le faux? Ça, c'est vrai. Oui. Je te donnerai pas de points pour avoir dit que c'est vrai qu'on est dans le vrai le faux, même. Est-ce que c'est vrai qu'un enfant au Colorado est devenu le premier enfant à être mort d'une surdose de pot? Donc, la marijuana aurait tué cet argent... Cet enfant. Selon un article, cet enfant, qu'est-ce que j'ai dit? Argent. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas vrai. Une étude donc qui parle de la mort en 2015 d'un enfant du Colorado. Première fois qu'un enfant serait mort d'une surdose de... Je vais essayer faux. Tu fais bien d'essayer des choses, c'est faux en effet. Oh yeah! Un point. Donc les histoires de mort par la marijuana, c'est presque toujours... mal rapporté dans les médias. Donc, on parle d'une histoire publiée en novembre 2017 dans le Reno Gazette Journal, qui, après agrégation et partage sur les réseaux sociaux, bref, a été amené sur Fox News hein, et sur le site du New York Post comme étant, comme grand titre, un garçon serait la première mort de surdose de pot. Bref, ça vient tout ça d'un cas en mars 2017 oui, d'un enfant du Colorado qui est mort en 2015 c'est myocarde, hein, je ne sais pas comment on dit en français, inflammation du cœur qui peut causer un arrêt cardiaque. Bon, bref, le test criminologique a montré qu'il avait été exposé à de la marijuana à un certain point dans les 2 à 6 jours précédant sa mort. Mais c'est vraiment de faire un amalgame d'informations, de dire qu'il est mort d'une overdose de pot. Bref, il y a plus de détails que vous pouvez aller voir dans l'article sur assemblagerequis.com. Est-ce que c'est vrai qu'une pieuvre a violé un employé d'un zoo de San Diego à son pénis masculin? Une rencontre aquatique qui aurait mal tourné. Un employé dans un zoo de San Diego hospitalisé après avoir essayé d'avoir des relations sexuelles avec une pieuvre et qui s'est fait endommager le pénis masculin. Je vais dire que c'est vrai. C'est faux. Oh non, il y a tellement de monde tordu, tu sais, ça aurait pu. Tellement. C'était le 4 septembre 2017 que le site web World News Daily Report a publié donc cet article parlant d'un incident, oui, avec un employé du zoo de San Diego et une pieuvre. L'histoire est fausse. Et pas seulement parce que le zoo n'a pas de pieuvre. OK. C'est ça. Ça commence bien. Ça commence bien. La photo qu'on a vue parcourir à Internet, c'est une version manipulée par ordinateur, prise en 2013 en Californie. Donc, ça n'avait rien à voir. Et le site web du World News Daily Report le dit en texte que c'est un site de parodie, qu'on ne peut pas se fier à ça. OK. Mais... Fait qu'il n'y en avait même pas de pieuvre là. Ben non, c'est ça. Non, mais tu sais. C'est quand même quelque chose. Fait qu'il a inventé des détails. Hein. Continuons toujours dans le vrai et le faux. On détermine quelles nouvelles sont vraies, quelles nouvelles sont fausses. Est-ce que c'est vrai que Call of Duty World War II, est-ce que c'est vrai qu'une capture d'écran de ce jeu-là montre 2 hommes pendus d'un arbre? Donc ce serait, pardon, une capture d'écran du jeu qui montre une scène assez horrible dans Call of Duty WWE. Oui, vrai. C'est vrai. Deuxième point. Félicitations. C'était en novembre 2017. Donc, une image montrait une capture d'écran du populaire jeu vidéo qui montrait 2 hommes accrochés à un arbre. Ça a circulé sur les réseaux sociaux. Ça demandait à ce qu'on boycotte le jeu d'Activision. L'image est réelle. Un utilisateur YouTube, T-Martin2, a envoyé sur le site plusieurs vidéos de lui en train de jouer au jeu un peu après sa sortie. La scène est disponible sur assemblagerequis.com. Ben, c'est pas si terrible. Je veux dire, dans le sens qu'il y a des jeux vidéo qui sont dégueux, là. Oui, tout à fait. Sauf que je sais pas si ça avait vraiment rapport avec le scénario du jeu, okay, tant que ça, de montrer des gens pendus à un arbre. Bref, on a contacté chez Snopes.com, on a contacté les deux compagnies derrière le jeu, Activision et Sledgehammer Games, pour d'autres commentaires sur la scène. Et le directeur créatif senior du jeu, Brett Robbins, a commenté sur ces images-là. Il disait dans son communiqué, ou en tout cas dans l'entrevue, qu'il ne voulait pas, changer le cours de l'histoire. On voulait respecter l'histoire. Il y a des choses très, très sombres qui ont eu lieu pendant ces conflits-là de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils trouvaient que ce serait une mauvaise chose d'ignorer ces choses-là pour pas provoquer les gens. Donc, c'est une question d'accepter les réalités de l'Holocauste dans ce jeu basé sur les années 40. Ça aurait pu être encore plus terrible que ça, hein? Oui, effectivement. T'as peut-être vu cette photo-là, m'emmener sur Internet, d'un homme avec deux faces, donc une face en avant de lui et une face dans le dos de la tête. Donc, on parle de Edward Mordrake, l'homme aux deux visages. Est-ce que c'est vrai qu'il a existé au 19e siècle, un Anglais, Edward Mordrake, né Mordrake, dépendant de quel article vous lisez? Je dirais faux. C'est faux, en effet. Ah, mon Dieu. Donc, l'homme britannique Edward Mordrake, qui serait né avec une condition médicale rare, donc un visage en trop à l'arrière de sa tête, c'est complètement faux. L'histoire disait qu'il était né avec cette condition médicale rare et bizarre, tellement troublante que ça l'a mené au suicide. C'est ce que ça disait sur Internet. C'était popularisé dans les années 2000 via des memes, des chansons, dans des émissions de télé même. C'est un intérêt morbide que les gens ont pour ça. Ça a été publié en 1896 dans Gould and Pyle's Anomalies and Curiosities of Medicine. Donc, les auteurs de l'histoire qui racontaient ça comme ça. Mais malgré tout ça, il y a non seulement plusieurs raisons d'être sceptique, mais il y a toutes les probabilités sont bonnes que ce soit complètement faux. On dit donc que l'image a une trop bonne résolution par rapport à son origine supposée. Mm-hmm. La clarté de la photo de cette ère-là, ça devrait pas être aussi beau. Et en fait, ce serait apparemment une photo retouchée d'une figure de cire au Panopticum Wax Museum de Hambourg en Allemagne, apparemment. Oh ben. Il existe une vraie condition médicale, craniopagus parasiticus, qui a une ressemblance avec ce cas-là, mais la personne en tant que telle, ce serait faux. Puis ça serait un visage complet? Ça aurait été un visage complet, yeux, nez, bouche... C'est ça. On voit pas mal les détails de côté. Sur la photo, là, ouais. C'est ça, on voit quand même le nez, les yeux, la bouche. Ça dit pas si la personne était, apte à mais à parler, c'était vivre. Rien de fonctionnel, c'était juste comme là. Probablement, t'sais. C'est okay. Ça. C'est dit dans les détails, ça mais ça serait weird, là, tu sais. Un petit peu. Est-ce que c'est vrai que manger trop de bananes pourrait te tuer? Donc, on dit que manger entre 6 et 7 bananes en même temps pourrait être exposé à un risque de surdose de potassium fatal. Fatal. 6 ou 7 bananes. On va dire frais. Frais, hein? Vrai. C'est toujours frais. donc, t'as dit vrai. Vrai, hein? Okay. Oui. C'est faux. Oh. Donc, le potassium, le K, comme on l'appelle. Pardon, est vital pour une bonne santé, bien sûr, pour faire fonctionner tes glandes et tout ça, bref. Lorsque ça fonctionne, là, il y a des détails médicaux. Là, on dit que les bananes sont une source excellente de potassium, un élément qui est naturellement présent dans ce fruit, qui donne ton potassium nécessaire, mais qui donne aussi d'autres avantages, comme lubrifier ton interface digestive, te garder régulier, hein, protéger tes intestins des ulcères et des acides abrasifs, masculins, oui. Bref. Oui, un acide. On dit donc qu'il n'y a pas assez de potassium dans une banane pour vraiment s'en faire sur les effets nocifs de consommer trop de bananes. C'est une croyance qu'on a depuis longtemps. On a des clips sur Internet, entre autres, qui en parlent tout le temps, de gens qui ne savent pas trop de quoi ils parlent. Donc, si on fait les mathématiques de tout ça, le potassium dans une banane est de 422 mg, alors que la dose recommandée quotidienne de potassium pour les adultes est de 4700 mg par jour. Donc, un adulte moyen pourrait consommer 11 bananes par jour et quand même prendre moins de potassium que ce qui est recommandé de prendre dans une journée. Bon, ben c'est ça. Quand même, ça veut-tu dire que c'est faux, ça? Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas frais. Ben, tu sais, mon premier guest était maudit. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'une vidéo montre de la nourriture gaspillée dans un Walmart de l'Ohio? C'est une vidéo virale qui montrerait de la nourriture donc en train d'être jetée. Ça se passe à Celina, en Ohio, après une tornade dévastatrice et une perte d'électricité. Vrai. C'est un peu des deux. Je vais te donner un point 5 points. Un point 5 points. Okay. Points. Non, c'est une vidéo sur Facebook Live qui montrait donc la nourriture en train d'être jetée dans un Walmart de Celina en Ohio. Ça se passait le 6 novembre 2017. L'utilisateur Gary Joe Arnes a partagé cette vidéo-là montrant donc des piles de nourriture en train d'être jetées. C'est aussi sur YouTube. Donc la vidéo a été partagée des milliers, en fait des centaines de milliers de fois et on chialait évidemment sur la nourriture qui était jetée comme du lait, du beurre et de la viande, et on s'interrogeait sur les façons comment est-ce qu'on pourrait garder cette nourriture-là. La page Facebook a sorti plusieurs commentaires. En fait, on dit qu'un état d'urgence a été déclaré à cet endroit-là, c'est là en Ohio, et Walmart a dit que malheureusement, étant donné la tornade qui a affecté ça, la nourriture disposée était pas mangeable, était pas sécuritaire à manger. Le magasin a perdu son courant pendant 14 heures, donc selon les politiques et les polices, du département de la santé, ça aurait été incorrect de donner ou vendre cette nourriture-là parce que ça aurait pu causer des problèmes. Donc la vidéo montre, oui, que de la nourriture est jetée, mais les raisons sont bonnes, donc c'est pour ça le point 5 points. Ah, ben moi j'aurais justifié ma réponse en disant ce que t'as dit. Ah ben là, t'aurais mais dû le correct, faire. Mais c'est correct, tu sais, non, on t'aurais va prendre... T'aurais dit ce que j'ai dit? Ben non, mais je pensais que la nourriture n'était plus bonne, tu sais, puis que c'était pour ça qu'elle l'avait jetée. OK. Je pensais pas que c'était de la bonne nourriture. Si tu me promets sur la tête de ton chat, je peux te donner le point. Oui, je le promets sur la tête de mon chat. Je te donne le point. Oh yeah! Bon. Non, mais tu sais, il faut être raisonnable dans la vie, hein? Bon. Mm-hmm, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, on a décapité, donc on a enlevé la tête du premier citoyen robot? Oh! Basé donc sur une nouvelle internationale qui a fait le tour du web, ce serait une foule fâchée en Arabie Saoudite qui aurait décapité Sophia, qui est le premier robot à avoir reçu la citoyenneté là-bas. Eh, hey, parce que cette nouvelle me fait peur, j'avais dit faux. C'est faux, en effet. Ouf, une chance. Okay. Donc, ça a causé la controverse, cette nouvelle-là, en octobre 2017. On disait que les gens avaient tué un robot nommé Sophia, qui était apparu à un événement Future Investment Initiative à Riyad. Donc, ça n'a pas pris trop de temps avant qu'on finisse par comprendre que c'était complètement faux. On dit donc que le site web Duffelblog n'est pas du tout un vrai site de nouvelles. L'histoire est complètement humoristique en disant que le sondage montrait que 79% des hommes de l'Arabie Saoudite avaient approuvé l'exécution, ainsi que 100% d'un homme américain nommé Elon Musk. Donc c'est une grosse blague. Phew! C'est drôle. Vraiment. Toujours dans le vrai et le faux, donc on détermine ce qui est vrai, ce qui est faux pour ceux qui suivent à la maison, et c'est Véronique Mire qui joue avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai qu'une bande dessinée de 1990 montre Trump prendre le pouvoir et construire un mur? Oh! Une bande dessinée d'il y a 27 ans, c'est par Peter Cooper, nous dit-on, qui a reçu donc beaucoup d'intérêt sur les médias sociaux en 2017, mais ça date de 1990. Vrai! C'est vrai! Oh! Oui! Une bande dessinée de 1990 dans Heavy Metal Magazine mettait en vedette donc ce mur controversé à New York construit par Donald Trump, un populiste qui a pris le pouvoir et qui devenait un futur président. Donc ça a ressorti en septembre 2017, cette bande dessinée de Peter Cooper qui prédisait, si on veut, les événements et la construction d'un gros mur controversé par Donald Trump. L'artiste a confirmé que sa bande dessinée nommée The Wall est bien authentique, a été publiée dans le volume 14, numéro 3 de Heavy Metal Magazine en juillet 90. Donc après... Donc ça dit... que les premiers panneaux de la bande dessinée, oui, montrent un artiste du graffiti écrire « Dump Trump » sur le mur, qui est un slogan qui est devenu populaire en 2017 chez les critiques de Trump. Peter Cooper explique les origines de la bande dessinée en disant que l'idée lui est venue après une visite à Berlin en 87 avant que leur mur tombe. Trump était bien connu comme un gars de l'immobilier à ce moment-là, donc les morceaux sont tombés en place pour créer cette histoire-là. Et il dit, je cite, « J'aimerais que mon crayon, à la place de prédire le futur, soit capable de changer les événements. » Ah oui, hein? Tellement mon Dieu. C'est fort comme commentaire, ça. on reste avec notre ami Donald Trump. Est-ce que c'est vrai que le président, que lui-même a dit que le président ne devrait pas dire aux équipes de la NFL quoi faire? Je te rappelle que depuis les derniers mois, bon, il y a la controverse avec les gens qui s'agenouillent pendant l'hymne national. Donc, ce serait un tweet qu'il aurait écrit en 2013. Lui-même aurait dit ça? Ouais, en 2013 sur Twitter. Je peux même te lire le message sur Twitter. Donald Trump, real Donald Trump, les fans de sport ne devraient jamais encourager les joueurs qui ne se lèvent pas debout par la nationale ou leur pays. La LFL devrait changer leur politique. Ça, c'était en 2017. Alors qu'en 2013, il avait dit les présidents ne devraient pas dire au Washington, le président, pardon, ne devraient pas dire aux Washington Redskins de changer leur nom. Notre pays a de bien pires problèmes. Focusser là-dessus et non pas sur des niaiseries. C'est ce qu'il aurait dit en 2013. On va dire que c'est vrai. C'est vrai. Oh. C'est tout à fait vrai. Évidemment, le président Trump qui parle contre la NFL, les joueurs qui choisissent de s'agenouiller pendant l'hymne national, un tweet très critiqué que j'ai lu au début suggérait que les fans devraient boycotter leur parti et que la Ligue devrait empêcher des manifestations comme celle-là. Et en 2013, évidemment, il disait exactement le contraire. Mais bon, ça, c'est pas très, très nouveau. Hein? Ce qui est décevant un peu, c'est qu'il se contredit ça. On s'y attend, mais qu'il ait dit quelque chose d'un peu intelligent en 2013, c'est comme « Oh non! » C'est vrai. Je suis très d'accord avec toi. Justement, on continue dans le domaine du football. Est-ce que c'est vrai que les Iowa Hawkeyes ont construit un hôpital pour enfants juste à côté de leur stade? Donc, c'est un post sur Facebook qui parle de l'équipe de football de l'Université de l'Iowa. Vrai! C'est un mélange des deux. Okay. On va lire les faits et déterminer quelle sorte de point tu fais. Okay? Okay. Ce qui est vrai, c'est que les Hawkeyes ont une tradition. Ils font bonjour aux enfants à l'hôpital après le premier quart de leur partie à la maison. Okay. Ce qui est faux, c'est que l'hôpital n'a pas été construit par l'équipe de football des Hawkeyes, mais par l'Université de l'Iowa. Tu comprends? Oui, oui. Fait que je ne l'ai pas vraiment. Pas vraiment non, du non, tout, non. C'est ça. Non. Donc, c'est ça. C'est un mélange, là, mais quand même. C'était le 18 septembre 2017 qu'on a posté cette photo d'un enfant qui regardait par la fenêtre le Kinnick Stadium, qui est là où jouent les Iowa Hawkeyes, l'équipe de football de l'Université de l'Iowa. Et là, évidemment, le message disait que les Iowa Hawkeyes avaient construit un hôpital pour enfants pour faire face au stade. Seulement les enfants de l'hôpital et leur famille ont le droit d'être là pendant la journée, blablabla. Et après le premier quart de la partie, ils vont demander au stade au complet de se revirer et faire bonjour aux enfants. C'est une belle histoire, mais c'est pas exactement tout à fait ça. Uh-huh. Mais quand même, l'intention est belle. Ouais. C'est ça, exactement. le principal à retenir est quand même vrai. Ensuite, est-ce que c'est vrai que le logo du Parti démocrate aux États-Unis a déjà eu comme slogan « White Supremacy », la suprématie des Blancs, jusqu'en 1966, c'était le logo du Parti démocrate en Alabama. Démocrate. Ben, peut-être une erreur, je vais dire vrai. Mais tu dis que c'est à cause d'une erreur? Oui. Parce que tu viens de tempérer tes propos en disant que c'est à cause d'une erreur. Là. Non, mais qu'ils ont fait une erreur, que ça a été mal interprété, puis que ça serait vrai. Je dirais que j'ai comme un conflit, tu sais, je vais te donner le point parce qu'en effet, c'est vrai, mais la raison est pas la bonne, fait que tu sais. Mais je vais te donner le point parce que c'est vrai. Ce qui compte, c'est le vrai ou faux, hein. OK. La chronique bon. S'appelle quand même le vrai, le faux et non pas le vrai, le faux et les raisons ouais, qui les ouais, accompagnent. Ouais. OK. Je vais m'en tenir au vrai faux, là. C'est ça. Faut apprendre avec le temps, ça. Le logo officiel, donc, du Parti démocrate de l'Alabama, adopté en 1904 et qui a pas été remplacé avant 1966, mettait en vedette une illustration d'un coq et le slogan White Supremacy for the Right. Donc, suprématie blanche pour la droite. Ça va être bizarre. Ouais, donc c'est ça. L'exemple est en photo sur assemblagerequis.com. C'était le logo du Parti démocrate de l'Alabama en 1966. La description, donc, que White Supremacy était un slogan n'est pas tout à fait exacte. C'était selon... on dit que... attends un petit peu, je vais essayer de clarifier la situation ici. Dans les détails, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails dans l'article. Oh. Ben, Colin, il y a trop de détails pour moi. L'emblème était quand même au sommet du bulletin de vote de l'État de l'Alabama pendant plusieurs décennies. Par exemple, ça a été mentionné dans le Chicago Tribune en novembre 1940. Par contre, au début des années 50, le Alabama Democratic Party, qui embrassait, donc, qui encourageait la suprématie blanche, devenait donc un petit peu nuisible pour le parti au niveau national. Donc en 1952, le gouverneur de l'État de New York, Thomas Dewey, qui était en campagne pour les Républicains, pour Dwight D. Eisenhower, a donné un discours mettant donc en vedette ce logo et parlant contre ça. Donc les démocrates ont perdu l'élection et l'emblème est resté intact sur le bulletin de vote pendant 14 ans encore, jusqu'à ce que les chefs du Parti démocrate de l'Alabama modifient ce logo en 1966 pour des raisons pragmatiques. Le parti avait besoin des voteurs noirs, donc on appelait les Negro Voters à l'époque. C'est ce que le Montgomery Advisor nous disait. C'est ça, donc le coq a été retiré en 1996 ensuite, donc 30 ans plus tard, remplacé par l'image traditionnelle du Parti démocrate qui est un âne. OK. Voilà. Ah, ben, coudonc, je pensais que c'était pas rapport avec la couleur de la peau, mais oui. Mais donc, oui. OK. Ça aurait été plus logique, mais non. Il y a beaucoup, beaucoup plus de détails. Il est vraiment compliqué sur assemblagerequis.com. Mais l'histoire américaine, c'est quand même quelque chose de lourd. Est-ce que c'est vrai, un petit peu plus léger dans ce cas-ci, est-ce que c'est vrai que les chevaux peuvent se faire pousser une moustache? Vrai! Ta moustache! C'est vrai. Oh! T'as raison. Quand même, donc il y a beaucoup de mauvaises nouvelles en 2017, mais celle-là peut quand même être la fin. C'est le site Bored Panda, donc un site web qui est surtout dédié à des listes, des trucs adorables, drôles, un peu à la BuzzFeed. Ils ont posté un article avec le titre « Si tu te sens triste un jour, souviens-toi que les chevaux peuvent se faire pousser la moustache ». Ça doit être lit! Donc c'était sur Facebook le 26 septembre et il y a des photos de plusieurs chevaux à moustache. Je peux t'en montrer un si ça peut te faire rire ce matin, un petit... ça va être drôle! moustache. OK! donc c'est ça, on n'a pas de preuve qu'un gène spécifique à la moustache a été identifié chez le cheval. Ils ont parlé à plusieurs experts, mais c'est tout à fait un fait que certains chevaux, les Gypsy Vanner en particulier, peuvent, certains, pas tous, se faire pousser une moustache. Et c'est pas limité à cette sorte de chevaux-là. Il y a plusieurs autres sortes qui peuvent en avoir aussi. Et est-ce que c'est les chevaux mâles ou femelles? Est-ce que ça spécifie ça? Ça ne précise pas. Non. Okay. Non, dans l'article, malheureusement, mais c'est une très bonne question. Mm. Ouais. Bref, ils sont capables de faire pousser des moustaches. Donc, on peut pas dire non à ça. C'est drôle. C'est vrai. Ensuite, on a parlé de boissons gazeuses plus tôt dans l'émission. Est-ce que c'est vrai qu'il y a du 7-Up avec des méthamphétamines qui a été trouvé au Mexique? C'est les autorités de la santé américaine qui ont sorti un avertissement après que plusieurs gens soient tombés malades avec des bouteilles empoisonnées aux méthamphétamines vendues dans des magasins nommés Mexicali. Ah, oh, faux! C'est vrai! Oh. En fait, Mexicali, c'est un endroit, pas un magasin, je m'excuse. Donc, les officiels de la santé aux États-Unis ont sorti, oui, un avertissement par rapport à ça, des boissons gazeuses contaminées qui auraient été achetées dans Mexicali. Donc, ça, c'est un endroit spécifique. Ça aurait tué une personne, rendu malade au moins 7 autres, selon l'Attorney General of Justice de l'État de Baja Californie. Mexicali, qui est situé à 240 miles de Phoenix et 124 de San Diego, au sud de la frontière californienne et de l'autoroute 8. Bref, Banner Health, qui est un réseau hospitalier en Arizona et au Colorado, a parlé des symptômes qui pourraient venir après ça. Entre autres, irritation ou goût anormal dans la bouche ou la gorge, brûlure dans l'œsophage ou l'abdomen, nausées, vomissements, difficulté à respirer et battement de cœur rapide ou irrégulier. Puis ils disent pas pourquoi, comment ça s'est ramassé là, ces méthamphétamines-là? En fait, ça dit, le département de la santé de Baja en Californie a dit que le meth a été trouvé dans des bouteilles de 2 litres de 7-Up dans les magasins du coin et on leur a demandé de retirer les produits. Donc non, ça a pas l'air d'avoir été dit. Quelqu'un a fait ça à un moment donné. Ah. Donc un porte-parole pour le Dr. Pepper Snapple Group, distributeur de 7-Up aux États-Unis, dit que aucun des produits 7-Up vendus aux États-Unis, donc on peut s'imaginer en Amérique du Nord au complet, Amérique du Nord, ça aurait compris cet endroit-là mexicain. Donc le Canada, on va dire. Canada. bref, c'est ça. Ce serait seulement au Mexique, qui est en Amérique du... Centrale, hein? Ouais. C'est quoi, Sud? Amérique centrale, Amérique du Sud? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? La différence entre Amérique centrale et Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a en Amérique centrale versus le Sud? Quel pays? L'Amérique du Sud, c'est le Chili, Bolivie, tout ça. Il me semble que c'est Amérique centrale, si c'est Amérique, c'est Amérique du centrale, Nord. Parce que c'est juste Amérique en dessous. Amérique centrale, oui, oui. Je suis en dessous des États-Unis, donc c'est centrale. OK, on a notre réponse. Ou peut-être les Antilles. Oh boy. Aïe, aïe, aïe. On s'en bat. La géographie n'est pas mon fort. Iche, la politique malgré américaine. Malgré les voyages, mais bon. est-ce que c'est vrai, on redevient léger un petit peu encore, est-ce que c'est vrai qu'un couple a été hospitalisé après qu'un homme ait pris sa tête dans le vagin de sa femme? Ah! Une expérience sexuelle terrible qui a nécessité donc l'hospitalisation du couple. Un homme. Fait un homme. Non, la tête faux. Dans le... C'est faux, en effet. C'est encore une fois le World News Daily Report et ces fausses nouvelles qu'on aime tant. Ça a été publié le 14 septembre 2017 avec une photo de ce couple. Une photo? Charmant. Ben, tu sais, on a juste la photo du couple en tant que tel et non pas de ce qui s'est passé. Là. ça aurait été drôle, mais quand même. C'était reproduit par plusieurs autres sites sans avoir la notice de fake news en bas. Donc, certains gens ont pris ça pour de la vraie nouvelle. Aïe, aïe. On peut continuer, il reste encore du temps. Il y a deux nouvelles, donc on va faire les deux dernières. OK. Est-ce que c'est vrai que... celle-là. OK. Est-ce que c'est... Je vais la dire quand même, j'ai commencé. Est-ce que c'est vrai que les utilisateurs de Facebook peuvent te suivre en secret? Des instructions pour bloquer des utilisateurs Facebook qui supposément, furtivement, te suivent sur Internet, te regarde ce que tu fais. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Comme avec une caméra ou comme géolocalisation? Ouais, c'est ça, plus géolocalisation. On parle donc de listes de gens que le réseau social aurait engagés pour te surveiller les activités. Donc, il fallait les bloquer un à la fois. Et là, il y a les étapes donc, de se connecter sur Facebook, aller dans tes paramètres de compte, cliquer sur « blocking », entrer dans l'engin de recherche Facebook Security. Donc, ce seraient des gens qui seraient engagés par Facebook pour suivre à la trace tout ce que tu fais. Ah, mon Dieu, j'aime pas ça, mais je vais dire vrai. Non, c'est faux. Phew, une chance. Une chance, okay. Hein? Mais t'aimes ouais. Ça? Donc, ces instructions-là, Facebook Security, en tant que tel, ça ramène des profils d'utilisateurs qui ont simplement les mots Facebook et Security à quelque part sur leur profil. C'est pas des gens qui sont engagés par Facebook Security. Ah! Donc, cette rumeur-là... Bon, ça me rassure! C'est ça, cette rumeur-là qui a pris beaucoup d'ampleur et c'est complètement faux. Ah, et pour terminer, est-ce que c'est vrai qu'un homme de 81 ans, Arthur Hickenlooper, a compétitionné à l'émission American Ninja Warrior. Est-ce que tu connais American Ninja Warrior? Oui, c'est écœurant cette émission-là, j'aime ça, moi. Le parcours à obstacles, oui. Vraiment le fun. Donc, c'est une vidéo d'un homme de 81 ans. Je crois que... Est-ce que je peux cliquer sur play? Le bouton play n'a pas l'air de marcher ici. Oh. Non, mais bref, on peut voir une capture d'écran de l'homme de 81 ans, entre guillemets, présumément. Ça donne que je ne l'ai pas vu, lui, mais je vais dire vrai. C'est faux! Ça aurait pu, tu sais! Okay. C'est devenu viral en septembre 2017 sur la page Facebook de l'émission American Ninja Warrior en tant que telle. Étant donné l'apparence de la personne, c'était d'un jeune athlète déguisé en vieille personne. C'était un masque de plastique, de caoutchouc. Certains aspects de la vidéo ont rendu certains gens sceptiques. Par exemple, la vidéo montre une femme qui serait supposément la femme de Arthur, Ruth Hickenlooper. Et cette femme a l'air d'être la mère de l'animateur de Ninja Warrior, Matt Heisman, qu'on a vu dans une autre photo. Et par coïncidence, Joan Heisman, a compétitionné dans l'épisode de Daytona d'American Ninja Warrior. Et là aussi, c'était une farce. Donc, c'est du montage qui a été fait pour montrer ça. Et on voit que la position de la manche et les ongles de la mère lors de sa participation montraient aussi que c'était une autre personne qui avait complété le parcours et qu'on avait édité la mère de Heisman dans la vidéo. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a fait avec Arthur, qui était en fait un déguisement de l'animateur Matt Heisman. C'est ça? C'est l'animateur qui a fait le parcours. Attends, je suis en train de vérifier pour être sûr. Non, je crois pas. Fait qu'ils disent pas c'était qui le ninja en dessous du masque. Non. on dit dans la vidéo que Arthur Hickenlooper est une légende locale qui compétitionne encore dans des compétitions de Ninja Warrior à Denver, entre autres. Et puis apparemment que le nom de Arthur serait un hommage au gouverneur du Colorado, John Hickenlooper. Et on croit que... Oui, OK, ça dit plus tard dans l'article, ça dit qu'on pense que c'est Brent Stephenson, qui est un autre compétiteur dans Ninja Warrior, qui a une ressemblance certaine à Hickenlooper. Donc peut-être que ce serait lui, peut-être pas, mais bon, c'est pas une nouvelle idée de déguiser quelqu'un pour faire parler les gens. Et si ça peut amener des codes d'écho de plus à Ninja Warrior, ils se sont dit que ça valait la peine de créer ça. Ouais, OK, c'est bizarre, mais tu sais, ça répète le fun, là, un homme de 81 ans qui fait le parcours. Ouais. Exactement. donc voilà pour le vrai le faux. T'as combien de points? 2, 4, 10. Sur 20. Ouais. La moitié. Pas pire, ça. 50%. Okay. Oh, oui, OK, 50%. C'est bon. Mm-hmm. Bon. Tu passes pas. Pour ma première, je suis quand même content. On va réessayer ça à un moment donné. Sûrement que ça va donner qu'on va pouvoir réessayer ça. Donc, le vrai le faux, les liens vers les articles, certains plus longs et plus compliqués que d'autres, sont sur assemblagerequis.com. Dans quelques instants, Stéphanie Paradis va être avec nous pour la chronique patate de sofa. Salut Stéphanie! Salut! Ça va? Oui, c'est le fun, j'ai eu le temps de souffler. Oui, je le sais, c'est pour ça qu'on aime ça, envoyer des pauses direct. De quoi tu nous parles après la pause? Je m'en souviens pas. Cool! Restez là! Assemblage requis revient dans 2 minutes. Surprise! Même moi! Visitez cifou.ca. C'est la troisième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 23 novembre 2017. Toujours Mathieu Plante, Tania Baudin a congé aujourd'hui parce qu'elle est malade. Son problème de gorge empire. D'après moi, elle a la même chose que moi, avec quelques semaines. Fait que c'est pas tant un congé. Non, c'est un congé de maladie. Ouais. Hein, quand on en regarde ça comme ça. Tantôt, je t'ai demandé ce qui s'en venait, t'avais oublié, mais là, t'as sorti les feuilles, je pense que t'en rappelles. La mort! La mort! OK, oui, la mort, tantôt dans la chronique patate de sofa, mais avant ça, on respire un petit peu tous les deux. Voici Partner et Everybody Knows You're High. On va relaxer, mais pas tant que ça. Pas jusqu'à prendre la drogue. Hein? Non. Par Partner à Assemblage requis, oui. Tantôt, on a kiwi. Ça fait poilu un petit peu. Je dis Assemblage requis, oui. Kiwi! Kiwi! Bref, c'est Stéphanie Paradis qui est là pour le reste de l'émission. On est super contents. Donc, jusqu'à 10h. On exclut la personne qui parle. Fait que t'es contente d'être là. Voici Patate de sofa! De sofa, Stéphanie Paradis. Oh, j'aime ça être une patate. Oui, ben c'est sûr. Tout le monde aime ça être une patate, pouvoir rien faire par la journée complète. Ah, oh, je me mangerais. T'sais, wow. Ta robe de chambre est un papier d'aluminium. Oui. Hey, c'est drôle que tu dises ça. parce que ta cote à la fin est toujours une patate quelque chose et peut-être qu'il y a du papier d'aluminium dedans, c'est ça? On sait jamais. On sait jamais. Donc, on parle d'une série télé, comme toujours, que t'as découvert. Oui. Oui, découverte. C'est dur à retenir. Mais oui, une patate de sofa, t'as toute ta découverte sur toi quand t'écoutes la télé. Wow, et du beurre. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Mais écoute, je suis tout le temps un peu à la dernière minute. La première semaine, en fait, deux semaines avant ma première chronique, je m'étais vraiment préparée. J'avais commencé une nouvelle série. Tu sais, j'étais dedans, là, deux semaines d'avance. Primé. Là, je te dirais que mardi après-midi, je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je pense à ma chronique. T'sais, surtout que j'en ai fait deux semaines de suite. Exact. Là. Mais je te dirais tantôt que t'allais écouter une web-série pendant la pause publicitaire. Ben, ben c'est ça que j'ai fait. Hey. Mais non. Ben, presque, OK? Dans le fond, j'ai commencé une nouvelle série. C'est tout le temps sur un coup de tête. Finalement, les séries que je veux écouter depuis longtemps, on dirait que finalement, c'est pas elle que j'écoute. On dirait que ça donne que cette journée-là, « Ah, j'en entends parler. Ah oui, c'est vrai, je veux l'écouter. Ah, ben, j'en commence sur un coup de tête. » Fait que j'ai commencé The Good Place. Ah, pour vrai, ça a l'air tellement excellent, cette émission-là. Ils viennent d'annoncer une troisième saison, plus spoiler alert. Mais j'ai hâte de l'écouter, là, vraiment beaucoup. Ça a l'air malade. Il faut. Donne-moi envie. Donc, The Good Place, c'est une série de Michael Schur. Ouais. Est-ce que c'est bien prononcé, ça? Oui. C'est le gars de The Office, si je me rappelle bien. Exactement. Oui. Donc, il est principalement connu pour son travail sur les séries The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine et Black Mirror aussi, qui est sur Netflix, si je ne me trompe pas. De grands succès d'estime autant que d'auditoire pour les trois que tu as mentionnés. Quatre. Oui, voilà. Ouais. Donc, Eleanor Shellstrop est morte. Spoiler alert encore, dès le début. Pas tant, c'est ça. C'est plus comme on le sait dans les 3-4 premières secondes. C'est ça. Donc, elle se réveille dans ce monde qui est la vie après la mort, qu'on appelle The Good Place. Oui. C'est Michael qui va l'accueillir et lui présenter l'endroit comme étant un quartier spécialement inventé et organisé par lui, qui est l'architecte, pour rendre ses 322 habitants heureux pour l'éternité. Ah. Donc, on a 322 habitants par quartier. Et tu peux pas changer de quartier comme tu veux, là. C'est comme ta vie après la mort. Donc, chacun de ces habitants-là a été sélectionné pour que l'ensemble du groupe forme une synergie, que les résidents vivent dans leur maison de leur rêve, qui est décorée parfaitement à leur goût, et ils vont y rencontrer leur âme sœur, avec qui ils vont vivre heureux pour l'éternité. Hein, c'est-tu pas beau? C'est parfait. The Good Place, hein? Puis t'as même pas besoin de la chercher, là, ton âme sœur. Il t'est présente quand t'arrives. Ça, enchanté. Voilà, c'est un peu ça. À la limite, imagine, c'est un peu malaisant. Bon, ben ça a l'air qu'on est supposé être amoureux, fait que on commence ça comment? Bon, voilà. Les personnes qui ont accès à la Good Place sont ceux qui ont mené une vie rigoureusement bonne, mais vraiment, vraiment bonne. Donc, probablement que nous trois... Mettons, là, parce que mes âmes sœurs de radio sont pas mal Stéphanie Paradis et Tania Baudin. Et elle est tellement fusionnelle avec moi en ce moment que j'ai l'impression de l'entendre même quand elle est pas là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? C'est fou, hein? Tania Baudin, ça sonnait pareil. Je suis sûr que Stéphanie l'entend, elle aussi. Oui, dans ma tête, dans mes rêves. Donc, en fait, je suis certaine qu'il n'y a personne ici là, qui pourrait y avoir accès. C'est triste, mais c'est ça. On est dans le vice, tous les trois, c'est ça que tu me dis? Un peu, c'est ça. Et on se retrouverait à The Bad Place. Oh no! C'est original. Ça existe ça aussi? Oui. Dans l'émission. Et ça a l'air horrible, hein, soit dit en passant. On voit pas ce qui s'y passe pendant la série, mais on nous donne quand même quelques idées, exemples qui donnent vraiment pas le goût de s'y retrouver. Des sons? Est-ce que j'ai entendu dire qu'on entend des sons? Des sons. De la Des Bad exemples. Place? Oui, de, ouais, ouais. De qu'est-ce qui se passe. Okay. Je l'entends même tousser, Tania. Dans la Bad Place? Je suis désolée. Je suis dit j'allais faire apparition dans la dernière heure de l'émission. Ah, la voix sexy. Salut, ouais. Tania. Hey, bon matin, tout le monde. Donc, la décision sur où chaque personne décédée va aller se fait avec un système de calcul complexe, avec un pointage qui peut aller autant dans le positif que dans le négatif. Donc, il ne suffit pas d'être dans le positif pour aller à The Good Place. Ça prend vraiment un pointage élevé. Bref, à The Good Place, on se ramasse vraiment juste avec des mères Teresa là-bas. Là. Ah, c'est vraiment très, très, très select. J'ai quand même trouvé ça drôle dans la série. On nous donne quelques exemples qui peuvent faire baisser le pointage. OK? Un exemple, utiliser le mot Facebook comme un verbe. Donc, ça peut être vraiment des trucs vraiment très, très drôles. Donc, oui, c'est ça. Mais c'est sûr, ça fait pas jouer le pointage là, à un même niveau que d'autres. Là. Mais c'est très drôle. Souvent, on en voit. Il faut vraiment que tu payes sur pause puisque tu prennes le temps de toute lire ce qui est affiché. Donc, il y en a plusieurs. Fait que tu payes sur pause, puis là, tu lis ça, puis c'est vraiment très, très drôle. Je veux y retourner, en fait, parce que j'ai pas eu le temps de tout les lire, parce que... Si je me fie à The Office et Parks and Rec, c'est d'autres séries qu'il a fait, c'est le genre d'émission que tu veux écouter plusieurs fois chaque épisode, parce que t'attrapes plein de trucs à chaque fois. Oui, t'as pas... Et des références aussi, parfois, à l'actualité, la vie présente, là, dans la vie, parce qu'ils sont morts. Et je peux pas... Je connais pas toutes les références, parce que aussi, si on s'entend, c'est américain, donc je connais pas toutes les références. Donc, des fois, juste de réécouter, tu vas tout le temps repogner un petit quelque chose à chaque fois. Donc, oui, c'est très, très intéressant pour ça. Le problème, parce que oui, il y a un problème, tu sais, The Good Place, ça peut pas être juste good. Donc, le problème, c'est qu'Eleanor va réaliser qu'elle est à The Good Place par erreur. Donc, ils ont son véritable nom, mais ils n'ont pas sa véritable vie ni ses véritables souvenirs. Donc là, elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, on va voir plusieurs souvenirs de sa vie au courant de la saison et on va pouvoir constater par nous-mêmes à quel point il était une personne désagréable avec une morale douteuse. Pour vrai, t'as pas envie d'être son ami, là. C'est une bitch. Clairement. Donc, on va donc, elle va donc devoir cacher ses comportements immoraux, parce que ça se fait naturellement chez elle, hein, bien sûr, afin de conserver sa place et ne pas être découverte et envoyée à The Bad Place. La personne qui lui a été désignée comme âme sœur, c'est Chidi, un Sénégalais et professeur de morale et d'éthique. Donc, ça va être vraiment la personne parfaite pour l'aider à devenir une meilleure personne et qui sait, peut-être même mériter sa place à The Good Place. Aussi, ce que Eleanor ne sait pas, c'est que sa présence va venir corrompre le fragile équilibre de l'endroit. Des événements catastrophiques vont venir perturber ce paradis-là, dans lequel ils sont supposés être, mais ça sera peut-être pas si paradisiaque que ça. Donc, Michael, l'architecte... Ted Danson, de CSI, entre autres, qui joue ce rôle-là. Ah, ça se peut, oui, soit dans CSI. Gros, ouais. Mais écoute, pour vrai, je trouve tellement que l'acteur est parfait pour le personnage. Oui, oui. Vraiment, là, avec toutes ces nuances là, qu'on va découvrir au fil de la série, là, je le trouve tellement parfait. Là. Je le connaissais pas. Non, pour vrai. Je le trouve merveilleux. Il est vraiment polyvalent. Il a joué la comédie dans Cheers. Il a joué un gars vraiment méchant dans Becker. Il a joué dans CSI où il était un détective. Mm-hmm. Puis là, mais probablement, justement, que c'est cette... cette grande polyvalence de casting qui a fait qu'il y a eu ce rôle-là, parce que c'est vraiment pas un personnage simple, parce que c'est pas un humain, hein? Donc, ça va vraiment au-delà de ce qu'on connaît de l'humain. Et, tu sais, il y a un corps, mais c'est un corps qu'il a créé lui-même pour son apparence là, dans ce monde-là. Ben, j'imagine que, et là, vu que t'as pas mentionné ces mots-là vraiment tant que ça, j'imagine que The Good Place, c'est pas mentionné comme étant le paradis. C'est pas l'enfer, t'as pas Dieu. Non, c'est ça. Non, il y a c'est pas... C'est une entité quelconque, non? Michael? Ouais. Mais Michael, c'est un architecte parmi tant d'autres. Il y a un architecte pour chaque quartier. Fait qu'il faut exprès pour ne pas avoir de référence religieuse. C'est pas... Mais il en parle au début parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de religions. Donc, Eleanor, en arrivant, pose la question. C'est le paradis ou... Donc, il va expliquer un petit peu le concept vite que c'est pas vraiment ça. Et que, en fait, chaque religion a deviné environ 5% de ce qu'il y a vraiment là. Et vous allez voir, dans le bureau de Michael, il y a un cadre avec une personne dans le cadre. C'est fantastique ce qui se passe avec ça. OK. Faut surveiller ça. Vous allez voir ça directement dans le premier épisode. Le cadre. Et je trouve ça drôle parce que, justement, mon chum qui est passé pendant que j'écoutais ça, avait pas suivi, il est juste arrivé par hasard. Il a vu le cadre, il a fait... Mais c'est qui ça? Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ça l'a accroché lui aussi sans avoir écouté la série. Donc, vous allez quand même trouver ça intéressant, le petit clin d'œil qu'on a au cadre dans son bureau. Donc. Oui, là, on parlait que ça va briser l'équilibre, le fait que Eleanor n'appartienne pas vraiment à cet endroit-là. Donc, l'architecte Michael va donc comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il va chercher à trouver et à réparer ce qui cause ces perturbations. Il va devenir très anxieux parce que c'est son premier projet solo d'architecture. Premier quartier qu'il a conçu lui-même parce qu'il était seulement un apprenti pendant 200 ans avant ça. C'est ça. Ben, tu sais. Donc, commence à quelque part. Hein. Peut-être aurait-il fait d'autres erreurs en concevant ce quartier, on ne sait pas. Donc, avec la série de Good Place, on est vraiment dans la grosse comédie loufoque. Les auteurs peuvent d'ailleurs s'en permettre beaucoup, étant donné que c'est un univers qui n'existe pas. Ouais. Donc, ils peuvent vraiment créer leurs propres règles. Donc, ça laisse vraiment libre cours à toutes sortes de choses qu'on pourrait pas deviner à l'avance. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est pas prévisible pour l'univers qu'il y a autour. L'univers, justement, est très bien conçu. Il n'y a pas eu trop de cassage de tête pour le créer non plus parce que c'était pas nécessaire pour ce qu'on voulait obtenir pour la série. C'est une comédie légère, c'est parfois prévisible, parfois absurde, parfois exagéré, mais ça fait toujours du bien. Il n'y a pas d'humour déplacé, pas d'humour désagréable. Ben, même que ça nous amène au point qui a fait le marketing de l'émission au départ, le fait que c'est pas vulgaire. Non, c'est ça. Parce non, que non, vraiment quand tu pas. Sacs dans ce monde-là, tes mots sont remplacés par d'autres mots. Exactement. Donc, tu peux pas dire « fuck », tu vas dire « fork ». Fork. Tu peux pas dire « shit », tu vas dire « shirt ». Shirt, c'est ça. C'est vraiment fort. Ça, c'est de l'intelligence. J'adore ça. Et au lieu de « asshole », c'est « asshole ». C'est bon. Donc, non, c'est vraiment très drôle. Tu sais, au début, tu comprends pas pourquoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est très, très, très cocasse. Moi, je crois que ce qui m'a surtout déplu dans la série, c'était l'utilisation, vous savez, du personnage abruti. Ça devient un peu lourd, un peu inutile à l'occasion, pour mes goûts, à moi en tout cas, malgré que le personnage va quand même amener un petit segment très cocasse dans l'histoire quant à la personne qu'il croit être son âme sœur. Mais je vous laisse découvrir un peu plus autour de ça, mais vous allez avoir un indice, là, vous allez penser à moi quand vous allez arriver à ce moment-là. C'est ça. Fait donc, il est abruti, mais il est quand même très, très une bonne personne parce qu'il a réussi à se rendre à Good Place quand même. Il est juste pas vite, c'est ça? Ça se peut. Il est juste abruti. Donc, j'ai commencé la série mardi en fin d'après-midi, comme j'ai dit, et je l'ai terminée mercredi matin. Une ou deux saisons jusqu'à maintenant? Une saison. Parce que la deuxième est en onde en ce moment. C'est ça, elle est en onde sur NBC, mais moi je l'écoute sur Netflix, donc ça peut prendre encore un an avant que ça arrive sur Netflix. Donc, ce sont 13 épisodes de 22 minutes qui s'enchaînent tout seul. C'est du vrai bonbon. Ouais, oui, j'ai commencé en fin d'après-midi mardi. Mercredi avant midi, j'ai terminé. Oh mon Dieu! Comment ça a pu se passer? Forking shirt! Forking shirt! Et que dire de la finale? Rien du tout. C'est ça, faut pas Oui, je veux dire qu'à mon avis, elle est parfaite. Okay. C'est le genre de finale que je souhaiterais pour toutes les séries, parce que c'est une finale qui sert très, très bien son public. J'ai été très satisfaite de l'ensemble. Donc, qui boucle quelque chose, mais laisse une ouverture pour la saison suivante. Parfaite. Wow. Voilà. On a l'ouverture aussi pour la deuxième saison. On sait comment ça va commencer. Okay. Et on a hâte vraiment de voir la suite. Est-ce que t'as assez hâte pour aller sur le site de, je sais pas si c'est CTV ou Global au Canada qui diffuse The Good Place? Je crois que c'est Global. J'ai besoin des sous-titres pour être certaine de rien manquer. Je suis pas rendue. C'est donc sous-titré en français, tu dis? Ou en anglais? Non, en anglais. Okay. Mais j'ai besoin de le lire. Je suis pas encore assez habile avec mon oreille. Ça va s'en venir un jour. Faudrait vérifier, ça me surprendrait pas qu'il y ait les sous-titres sur le site de Global, par contre. Ça peut être intéressant. On pourrait aller voir. Je vais aller fouiller. Ouais. Donc, on voit dans cette série Kristen Bell, qui incarne Eleanor Shellstrop. Oui, la voix de la princesse dans Frozen. Oui, Anna, la sœur d'Elsa. Pas vrai? Dans Frozen. J'avais jamais réalisé, c'était ça. Mais si tu l'écoutes en anglais. Ouais. Voilà, c'est... Ben, moi, j'apprends quelque chose. Donc, moi, je l'ai connue dans des films de filles. Ouais. Forgetting Sarah Marshall. Oui. When It in Rome, Burlesque, Bad Moms. Elle est aussi connue pour son personnage de Véronica Mars. Oui, quand même. Dans la série et le film. Voilà. Donc, la série a été originalement diffusée sur NBC en septembre 2016 et est disponible sur Netflix depuis septembre dernier, donc 2017. La seconde saison a débuté en même temps que sur Netflix, mais la deuxième sur NBC, donc en septembre 2017, on a la deuxième saison. Et une troisième saison a été confirmée, comme tu l'as dit tantôt, Mathieu. Donc, on est très contents. Ben, c'est pas tant un punch, là. C'est pas comme si t'avais dit qu'à la finale, c'est à la fin. T'as pas raconté ce qui se passait dans la saison 3. Non, c'est ça. Mais c'est une série assez... Je veux dire, c'est pas une série grand public, il me semble. Ben, l'humour est quand même très... subtil. Non, c'est zéro subtil. Okay. Non, c'est ça, c'est pas subtil du tout. Tu sais, à un moment donné, mon chum disait, ben là, tu sais, ça c'était prévisible. Mais moi, j'étais crampée. Oui, c'est prévisible. Puis on savait que c'est ça qui allait se passer. Puis c'est ça qui est drôle parce que c'est ça qui est arrivé. c'est pas lourd quand on est capable de deviner un peu ce qui va se passer. C'est parce que c'est ça qui devait se passer. Ouais. En passant, si vous allez sur le site de Global pour regarder les vidéos, allez-y avec vos mains devant les yeux pour voir juste les vidéos, pour pas lire les résumés d'épisodes qui vous disent des punchs. Moi, vrai? Mais tu sais, c'est un petit punch. Ben, je pense que c'est un... En tout cas, bref. C'est un tease. C'est un tease, c'est ça. On fait comme si on n'avait rien lu de ça. Mais moi, j'ai la chance encore d'être obligée de me concentrer quand c'est en anglais. Mm-hmm. Donc, j'aurais probablement pas le temps de faire la traduction dans ma tête. Donc, moi, je serais probablement correct. Moi, c'est rendu comme seconde nature. Ouais, mais oui. Je peux pas voir le texte qui dit Non, c'est ça. En tout cas, bref. Saison 2, hein, c'est ça. Ouais. Donc, sur une échelle de patates germées, poutine extra fromage, je donne la note de... Mathieu l'a deviné, patate au four! Oh! Donc, avec leur patate au four, les auteurs se sont amusés à la garnir de manière loufoque. Hein? On retrouve la classique ciboulette, crème sur bacon. Mais qui sait si on ne retrouvera pas peut-être des cornichons, du smoked meat, de la moutarde. Oui. Et là, je viens d'inventer la patate au four smoked meat! Ah oui, t'as pas compris? Ben, c'est c'était vrai. Comme... Hein, ça a l'air bon, différent. Hein? Cornichon, smoked meat, sur une patate au four. T'as fait glacer pour Frozen avec Kristen Bell. Patate douce, tu remplaces la patate. Ce serait pas pire. Ah, puis, vu que c'est Mike Shore qui a créé la série, t'appelles ça une patate au four. Ah! Parfait! Ouais! On arrête ça, là. J'ai aucun mot meilleur sur un gag. Merci Stéphanie Paradis. Hey, ça me fait plaisir. Hey, pour vrai, là, cette série-là, je voulais déjà la regarder, mais là... Mais il faut, et en plus, ça va pas hypothéquer les 6 prochains mois de ta vie. Ouais, c'est 13 épisodes, 22 minutes. Tu fais ça d'une soirée facilement là, quand t'as pas d'enfant. C'est ça. Et t'es où, ton enfant? Ouais. Tu l'avais couché? Au four. Ah, écoute, j'ai écouté pendant sa sieste, pendant qu'elle dormait le soir et pendant qu'elle était à la garderie le lendemain avant midi. Tu vois, même une fille vraiment occupée comme elle a réussi à regarder The Good Place. Exactement. Mais c'était important, c'était pour ma chronique, fait que, tu sais, je travaillais. Mais 22 minutes, ça passe tellement rapidement en émission de toute façon. Arrête, renomme-moi. On veut tout parler comme ça, là. Pour t'aider. Oui, oui, merci. Donc, j'espère que vous allez l'écouter ce soir et m'en reparler demain. C'est ça, demain. Ouais. Demain matin à 7h sur ton bureau. Le compte rendu. Voilà, merci. Merci, Steph Paradis. Plaisir. Alors, on prend une pause. Tu restes avec nous? Bien sûr. Pour une grosse pointe d'adresse. Ah. Et Talia va être là. Elle est venue juste pour pouvoir goûter à de quoi. Je suis venue pour expliquer aux gens qui me textaient que j'étais pas morte. OK. Hey, je l'ai dit. Les gens n'écoutent pas l'émission. Je l'ai dit tout le long. Mais bon. FM 89.1 FM. Assemblage équipe pour toi, oh oh oh aujourd'hui. Assemblage équipe pour toi, oh oh oh aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 23 novembre 2017, elle est Tania Baudin. Mathieu Blanc. Oui. Et Stéphanie Paradis. Stéphanie Paradis qui est là pour nous tenir compagnie encore un petit peu, parce qu'on aime ça, quand elle est là une fois sur deux, de faire une grosse pointe d'adresse avec elle. Et surtout, elle peut te donner du jus, elle peut me remplacer. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas si ce qu'on va goûter va t'aider ta gorge, peut-être, on sait pas. Ok, je sais pas. T'as bu tellement de sirop que ta langue est orange. Genre ouais, c'est vraiment... Charmant. J'ai comme fait la sauce ce matin. Tu te regardes la langue souvent dans le miroir? Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en plus. J'ai servi pour me brosser les dents, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Je pense que j'ai bu trop de sirop. Ben, elle le boit à même la bouteille. Elle me dit « 10 millilitres, ça? » Moi aussi, je fais ça. Mon chum me chicane tellement. Là, Mathieu, il me dit « T'aurais pas pu prendre une cuillère? » Ça revient à la même affaire. Oh, je fais ça à l'œil. C'est ça, il n'y en a pas de problème. Les quantités, là, 1 millilitre, 10 millilitres. 100 millilitres. C'est quoi la bouteille est de 100 millilitres. Le maximum est de 8 cuillères par jour. Fait que... Ça, j'ai pas pensé à appliquer. Non, c'est ça. 80 millilitres, c'est quoi? 10 millilitres par cuillère, c'est quoi? Ouais, 10 millilitres. Quand même. Bon, bref, avant de faire une grosse pointe d'adresse, on va quand même se calmer un petit peu avec de la musique. Hein. Mm-hmm. Écoutons Dilarama, on aime bien cette pièce-là. C'est Chantal, tout de suite. Assemblage Rookie! Chantal, dommage, mais c'est comme ça. Dans un monde idéal, je serais plus qu'un ami pour toi. Chantal, je ne sais plus comment te dire que je m'ennuie et qu'à part toi, personne ne semble comprendre. Quand mon cœur bat trop fort. Chantal, ce n'est pas obligé d'être comme ça. Je sais c'est impossible, tu me l'as déjà dit. Tu m'aimeras jamais comme ça. Je me consolerai en pleurant sur mes lingots d'or volant de Jaguar. Des blondes, de toute la drogue du monde, ouais. Avec Chantal! Alors, on sait pas de quelle Chantal il parle. C'est intriguant, mais... Chantal la mort? Putain, c'est ça. Oh, ouais. Chantal la pomme. Elle Chantal la pomme. Ah, ah, ah, ah. Ouais. C'est bon, c'est drôle. C'est cocasse. Là. Donc, toujours l'assemblage requis avec Tania, qui est là. Mm-hmm. Mathieu, qui est là. Mm-hmm. Stéphanie, qui est là. Ouais, ouais. Une triangle... Exactement. Vraiment, vraiment pas amoureux. Isocèle. Isocèle, c'est ça, oui, oui, oui, oui. Triangle isocèle le de la radio. Triangle des Bermudes. C'est ça. Tu rentres au milieu, tu disparais. Et quand il y a un milieu, il faut qu'on rentre dedans. C'est hein? Ça, exactement. C'est une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Mathieu. Une grosse pointe à l'adresse. Une grosse pointe à l'adresse. Ok, j'arrête. Ah! Il y a tellement d'effets sonores dans cette intro. Wow! Donc, une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on goûte un produit du tiroir. C'est-à-dire un produit que j'ai gardé dans mon tiroir, que j'ai acheté à l'épicerie, en pharmacie, en dépanneur, peu importe. On connaît le principe, c'est rien de nouveau, mais c'est toujours aussi le fun. Exactement. Hein? Aujourd'hui, j'ai dit qu'on buvait, et là, évidemment, les filles, hein? Là, je dirais pas, je ferais pas le genre d'humour de mon oncle. Les filles étant des filles, elles sont montées sur leurs grands chevaux, je dirais pas ça. Mais on elles sont pas montées sur nos grands chevaux. Elles sont montées sur leurs grands chevaux étant des filles, mais ça, les deux n'ont pas de lien de causalité à effet ensemble. OK? C'est correct? J'imagine. C'est pas de l'alcool, c'est ça? Non, pas vraiment. C'est pas de l'alcool, non. C'est de la boisson gazeuse. Oh. Parce que dans le début de l'émission, j'ai fait une chronique, évidemment, sur les boissons gazeuses. Et quand je fais une chronique avec une thématique comme celle-là, ça annonce souvent quelque chose. Hein? Donc, c'est aujourd'hui... fun, en plus, que tu aies parlé de 7-Up contaminé à la méthamphétamine aussi. Tantôt. Aussi. J'ai vraiment le goût d'y goûter. Vraiment, hein? T'as tout à fait raison. J'ai amené deux sortes de Sprite. Donc, c'est pas du 7-Up, c'est des produits Coca-Cola et non pas Pepsi. T'sais. Ah, bon, hein? On est correct d'abord. On est correct. Pas de méthamphétamine là-dedans. Hein? Donc, j'ai vu ça, j'ai croisé ça à l'épicerie, ça m'a intrigué un petit peu. C'est du Sprite. Ils ont l'air flat, tes Sprite, un peu. Ah, mais c'est parce qu'elles sont. Mais c'est tout le temps sont flat. Bouchées. Ouais. Ben non. Ça va, les bulles vont sortir une fois le bouchon enlevé. Ok. Voyons donc. Parfait. Donc, c'est du Sprite à la canneberge. Ouh. Et du Sprite à la cerise. Oh, et Dr. Pepper style. Genre, et je sais que Stéphanie en a mentionné, a fait la mention tantôt du fait. Non, c'était Véronique Mire, je m'excuse. qui a fait la mention qu'elle aimait beaucoup ajouter de la saveur de cerise dans ses liqueurs, dans les machines Freestyle. Ah, tu sais, ouais? Là, les Subway, tu peux rajouter du sirop de vanille, orange. Bon, cerise, il y a bien des gens qui aiment ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti un Sprite à la cerise. Il y a beaucoup de gens qui aiment les cerises, mais les gens qui aiment pas la cerise, ça aime vraiment pas ça. Non, parce que ça goûte le sirop des fois. C'est ça. Moi, je suis pas certaine que je vais apprécier le Sprite à la cerise. Pas sûr, moi non plus. Peut-être plus celui t'aimes à canneberge. T'aimes pas ça, toi, la cerise? Non, j'aime... Mathieu, t'aimes pas sa cerise? Oui, j'aime ça. Péter le plus de cerise possible. Okay. Mais des fois, ça dépend de la variété de chimiques qu'ils ont mis dedans. Ouais. Mm-hmm. Ça peut goûter mauvais comme ça peut goûter très bon. Ça dépend vraiment. J'aime les vraies cerises de fruits, là, genre physiquement. Là, tu vois, mais là, est-ce que tu parles de la cerise dans des sacs ou de la cerise en pot avec le sirop sucré au marasquin? J'avais encore une autre image de cerise dans la tête. Deux. Les deux? Ouais, j'aime. Ouais. Ok, les goûts très différents quand même. Oui, il y en a un qui compte pas pour une portion de fruits. Non, c'est ça. Puis on se demande tous c'est lequel, hein? C'est ça. J'aime les cherry blossoms pour vrai, là. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les cherry blossoms. Ah, mais là, c'est sûr. Ben, t'aimes les cerises d'abord. Oui, non, c'est vrai. Je pense que. C'est le parfum simulé de cerises, un peu comme le parfum simulé de peu importe. Dans les sirops, mettons. C'est sûr, parce que c'est pas simulé dans le cherry blossom. Mais non. C'est une vraie cerise avec du vrai sirop. Ouais, mais le coulis autour. En tout cas. Ouais. C'est du sirop pour la toux. Moi, les cerises simulées. Ah, mais là, on partira pas sur les cerises. Non, c'est ça, faudrait pas mettre. Non, faut pas simuler quand on parle de cerises. Non, mais on respecte les gens qui ont une cerise simulée après opération. On a essayé de la cacher après opération. Oui, de la cacher et de la cacher aussi. Donc, les enfants, Sprite. Les enfants. Aux cerises avec essence naturelle à 100%. OK. Quand même, hein? Il n'y a pas grand détail d'autre que le fait qu'on peut recycler la bouteille. C'est marqué soda cerise et citron lime. Et l'autre, c'est bien sûr écrit la même chose, soda canneberge et citron lime. Ils mettent le canneberge en premier, avant citron lime, sur leur petite phrase. Ben oui, on veut que ça goûte plus ça que le citron lime. Mm-hmm. Évidemment. Est-ce que vous aimez plus 7-Up ou Sprite? Moi, quand j'étais jeune, là, du moment que je buvais de la liqueur blanche parce que j'étais malade. La liqueur blanche, on dirait ma grand-mère. Excusez. J'ai toujours associé ça avec le fait d'être malade. Ouais, je suis pas capable, sinon. Moi, quand j'étais jeune, on va voir tantôt, je vais peut-être être malade. Ah, ouais. Moi, je détestais la liqueur quand j'étais jeune. Ouais. Donc, même aujourd'hui, je suis pas portée à en boire, sauf des fois du Dr. Pepper parce que c'est ta cerise. Exactement. Moi, un petit Rum and Coke. C'est ça. Ça compte pas. Un grand amateur de liqueur en tant que tel, comme j'ai dit avec Véronique tantôt, il faut absolument que j'arrête, là, mais j'ai pas mal slacké la liqueur, j'en bois presque plus du tout. Peut-être une fois de temps en temps au restaurant. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais, non. C'est j'ai vu une grande différence en Mathieu. Merci. On est ensemble tous les jours, là, quand oui, même. Oui, exactement. Et moi aussi, j'ai vu des différences chez toi dans plein d'autres domaines. Dans ma voix. Ta voix surtout. Donc, je vais vous donner les deux bouteilles de Sprite à la cerise et au canneberge pour voir en même temps si les deux vont se ressembler parce que si c'est des saveurs chimiques des deux, ça peut se ressembler, canneberge et cerise, non? Steph a le canneberge dans les moi, mains. Moi, je dirais canneberge, ça va peut-être être un petit peu plus amer. Ouais. Ouais. Le canneberge, c'est moins sucré. Mais là, on parle de cerises sucrées dans ce cas-là, parce que des cerises un petit peu plus amères aussi. Ben, c'est marqué essence naturelle à 100%. OK. Fait ça va goûter la vraie cerise. Ouais, mais la cerise, c'est sucré. La canneberge, tu prendras une poignée de canneberge c'est dans pas main, très sucré. C'est plus, c'est plus amer. T'as raison. Voilà. Voire même surette. Je sais pas si ça va goûter les fêtes, hein. Tu manges ça, tu bois ça avec une dingue. Ben oui. Ataka, ouais. Hey, j'espère qu'ils font pas du Sprite à la dingue. Ah, j'espère pas. Je trouve l'étiquette épurée. Sauce brune. Comment t'as dit? J'ai dit, je trouve l'étiquette épurée. Oui, c'est joli. Ah, c'est vrai, j'ai pas parlé du look. C'est le look normal d'une bouteille de Sprite, mais soit rouge canneberge ou soit rose pâle, vraiment pas cerise. Est-ce qu'on l'ouvre en même temps, Steph? Oh! On fait des folies. C'est ça, ça fait pas de bruit. Mais non, c'est comme des micro-bulles. Ouais. Mais voyons, non. Sont peut-être, c'est peut-être micro-gazéfié, mais on les voit, les bulles. Là, sa bouteille est remplie de bulles. La tienne aussi. Moi, il y en a vraiment beaucoup. Ouais, toi, il y en a vraiment beaucoup. Moi, on dirait que c'est ce que j'aime du Sprite versus le 7-Up. 7-Up, c'est très, très sucré. Je trouve que le Sprite a un goût un petit peu plus amer et tonique, mettons. Moins tonique. Ouais. C'est pour ça que je préfère de loin le Sprite au 7-Up. Le 7-Up, c'est trop sucré pour moi. Je vais vous laisser goûter la cerise parce que je ne préfère vraiment pas le goût de la cerise. Même pas pour dire genre j'aime pas ça, juste OK, goûter. Je vais y goûter juste un peu. J'ai amené 5 verres pour 3 personnes, tu sais. Ouais, je sais, faut j'ai bien remarqué. En c'est pour ça que je m'en allais dire je choisirais pas la cerise, Mathieu. Est-ce que t'en veux beaucoup, Mathieu? Ben là. Toi, t'aimes la cerise, c'est vrai. Ouais, mais pas trop. Faut pas que je boive trop. Bon, là, fait qu'il y a 2 canneberges. Merci, attention. Ouais, je vais réutiliser le même verre après. Merci. C'est parce qu'on a juste 5 verres. Tout à fait. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais ouais, je pense que je vais faire la même chose. Il va rester un verre. Donc, j'ai pris une petite gorgée pour la cerise. Tania, c'était la cerise, donc je crois que c'est dans cette main droite. Je trouve que ça sent rien. Ah, ben t'es peu, je vais me verser, oui, verser une cerise parce que là, j'ai juste canneberge, moi, là. Oui. Je veux pas être à part des autres. Mais c'est pareil. Détache-lui ce qu'elle a pour lui. Là, est-ce que t'as toussé dans le Sprite non. Cerise? Mais Ah, mais le Sprite, ça Sprite bien à plusieurs occasions. C'est bon pour quand t'es malade, mais oui. Je trouve que ça sent rien. Non? Ben, je trouve que ça sent un petit peu la cerise. Un petit peu quand même. Vraiment pas beaucoup. Mais Tania, t'as un rhume barbecue. J'ai pas... tu sais, c'est ça que je disais pendant la pause. T'es pas congestionné? Je suis pas congestionné. Je me sens pas comme si j'avais le rhume. Okay. C'est la toux et le thorax qui veut m'arracher. Ouais. Enfin, je pense que c'est différent. Ça, c'est un autre mal. Mais ça reste une odeur très légère et sucrée, ouais, quand même. Ouais. Ouais, on sent un petit peu la cerise. Ça dit naturel, mais... Ben là, si c'est naturel, c'est naturel, non? En tout cas... Ça sent le jus. C'est ça. Ouais. Goûtons. Pas très pétillant en bouche. Non, pas tant. Flap. C'est peut-être parce qu'elle est un petit peu chaude. Puis ça goûte sweet fuck all. Ouais. Sweet fork all. Ça goûte vraiment pas la cerise. Non. Tu sais, il y a un petit quelque chose de différent du Sprite normal, mais c'est clairement pas de la cerise que je dirais. Mais non, ça goûte juste ça goûte juste plus sucré. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à cause du mélange peut-être lime, citron et cerise qui ont le goût de moins. C'est bon, ça fait changement, mais on dirait quasiment que je bois du Sprite d'une marque pas Coca-Cola, genre. C'est ça. Genre, marque alternative de magasin. As-tu remarqué qu'il y avait plus de calories dans celui à la canneberge? Non, non. Je sais pas pourquoi. Shit, c'est vrai. Ben voyons donc. Petite remarque. Shirt, c'est vrai. Non, mais c'est bon, mais c'est pas la cerise. C'est 170 calories pour celle à la cerise et 200 pour celle à la canneberge. Pour la bouteille au complet ou? Ouais. Ouais. OK. Je sais pas si je boirais une bouteille de ça au complet très rapidement, moi. C'est vraiment sucré, peu. Là. Oui, c'est vraiment très sucré. C'est sucré comme du 7-Up et non comme du Sprite que j'ai dit tantôt, ça goûtait plus le tonic. Tout est dans le sucre, en fait. La canneberge devrait contenir plus de sucre. Peut-être. Est-ce qu'on sent la canneberge? Ah, pour couper un peu l'amertume. Peut-être. C'est quoi? Ça ressemble à quoi, l'odeur? L'odeur est meilleure, je trouve. Je préfère vraiment ça. Là, en tout cas, moi, je trouve qu'on sent... C'est la même maudite affaire. On sent plus la canneberge. C'est plus puissant, non? Ouais. Coudonc, j'ai-tu le bon verre? T'as-tu le bon nez? Voyons. Prends-toi un autre verre. C'est-tu versé deux verres de, mais non, mais de non. Cerise? Je trouve que ça sent la même affaire. OK, bon ben, okay. Tania, 2/3, ça sent beaucoup plus fort. Moi, je trouve que ça sent... Au moins, on ressent plus le canneberge qu'on ressentait la cerise. On goûte. Qu'on sentait. La cerise, c'était consentante, c'est ça que t'as dit? Hey, ça, c'est bon! Mais... Mais ça goûte pas la canneberge. Mais ça goûte pas la canneberge. C'est donc bien décevant, ça. Je m'attendais à avoir quelque chose de vraiment le fun à boire souvent. Hey, écoute, où c'est que t'as pris ça? Qu'on y aille pas. Mais déjà, je trouve ça bizarre parce que c'est flat, là. Il y a pas le petit pétillant. Hey, ça me fait vraiment penser quand j'étais jeune puis j'étais malade, là. Ouais. C'est comme... Pour une boisson qui a autant de bulles de visuellement dans la bouteille, là, dans le goût, là, décevant. Ça goûte vraiment pas les bulles. C'est plate. Ça goûte pas les bulles, ça goûte pas la canneberge, ça goûte pas la cerise. Ça vous remonte pas dans le nez pareil, vous? Non? Non, oui. Pas du non. tout. Mais nous, on est plus habitués, je crois. Ouais, c'est ça. J'en bois pas de liqueur. Moi, je bois jamais de liqueur, vraiment. C'est sucré, trop sucré. C'est, c'est novelty, tu sais. J'imagine qu'ils ont sorti ça pour faire spécial, mais c'est pas tant spécial. Mais j'aime quand même le mélange citron, lime et canneberge. Ouais. Est-ce que tu veux essayer de faire. Préférablement à la cerise. Est-ce que tu veux faire un mélange citron, lime, canneberge, cerise, tu vois? Dans mon verre à moi? Ouais. Genre les deux boissons en même temps pour voir, ça va faire un punch. D'après moi, ça va goûter. Ça va t'exploser, ça va être juste sucré. On va faire de la chimie. Ils sont trop pareils. Pourquoi avoir sorti deux sortes? Il aurait dû faire juste genre cerise et canneberge, genre. Voilà, dans le ville citron lime, en fait, cerise canneberge. Celui à la cerise, là, je trouve qu'il goûte un peu le crème soda. C'est vrai. Hey, c'est vrai. Mm. T'as raison. Là, j'ai mis les deux, m'a brassé. Brasse. Un petit drink, là, c'est de la mixologie façon chi. On n'entend rien, mais c'est pas grave, je le brasse. Ouais, brasse-toi la cerise. J'y brasse la cerise. Décevant. Ouais. Ça goûte la même chose. T'avais vraiment de l'espoir? Il y a un petit peu plus de bulles. Parce que c'est deux fois plus de bulles, c'est parfait. C'est ça, exactement. C'est la technique pour avoir des bulles. Mais le goût? Toujours aussi absent. Toujours aussi absent. Absent comme une personne qui est malade pendant le début de l'émission. Puis qui finit par arriver en. Je m'excuse, Mathieu. Attends, tu m'aurais-tu vu animer 3 heures de même? Non, vraiment pas. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pas faim. Mais bon, on a aimé ça quand même. Donc voilà, pour la boisson Sprite canneberge et Sprite cerise, t'sais, passez votre tour. Pousse par en bas. Même pour la liqueur, d'habitude, tu dis de la liqueur, ça reste sur le côté. Non, c'est plate. Ouais, sucré. Non, c'est vraiment sucré, en fait. Ouais. Je pense que c'est... En tout cas, moi, personnellement, j'aurais pris plus de saveur, moins de sucre. Ouais. Ben d'accord, on dirait un test de diabète de grossesse. C'est vrai. Ah, oh, c'est ça que ça goûte? Pire. Tu sais, tant qu'à faire, là, aller dans les machines de Coke et Pepsi où on peut faire ses propres saveurs, puis essayer quelque chose d'un petit peu plus fun que juste ça cerise. Va goûter pour vrai, c'est en ça. Plus. Et vous pouvez choisir de mettre cerise et vanille ou cerise et orange. Cerise et vanille, Dr. Pepper l'ont fait à un moment donné. Oui, exactement, tout à fait raison. Et j'ai déjà parlé aussi de prendre du thé glacé et mettre orange et vanille dedans, ça fait creamsicle. C'est délicieux. Des recettes, hein? Merveilleuse. Mm-hmm. Mm. Mais pas trop souvent. Je pars en courrière comme ça, moi. Comment? C'est où qu'on peut faire ça? Présentement, dans tous les Subway, il y a des machines Pepsi. Ah, mais clairement, c'est juste de la boisson gazeuse. Oui. T'sais, mettons, tu sais, mettons... Ah non, non, non, il y a des... Il y a la limonade, Fruitopia. OK. Tu pourrais-tu prendre genre de l'eau pétillante puis le faire? J'imagine. Je sais pas. Aucune idée. C'était à essayer, ça. Ouais. Hein? Donc voilà, pour notre petit test d'aujourd'hui. Vous, vos pouces, vous les mettez où? En bas. Bon, good. Hey, le consensus. Ouais. Maintenant, parlons de nouvelles de fast-food. Bien sûr, vous avez peut-être vu passer que PFK vend une capsule pour s'évader d'Internet pour la somme de 10 000 US. Ben voyons. Mm-hmm. Dans l'Internet Escape Pod de PFK, KFC, on oublie Internet. C'est une tente de salon conçue à la façon d'une cage de Faraday. Donc, elle bloque les connexions pour créer un endroit où vous n'êtes pas parasité par votre smartphone. Laissez donc l'étreinte protectrice du colonel Sanders vous amener à un moment de sérénité, votre propre good place. Hein? Mm-hmm. C'est vendu 10 000 US avec la tête du colonel là-dessus. Moi, je pense que ça pourrait être the bad place pour plusieurs personnes. C'est vraiment the bad place. On peut entrer 4 adultes dans la capsule, profiter d'un moment convivial en étant sûr que personne n'aura le regard rivé sur son téléphone. Voilà. On pourrait aussi juste mettre le téléphone dans une boîte. Mais... Yes. C'est un message subtil. Okay, Tania était en train de regarder son sel pendant que je racontais cette nouvelle-là. Ouais, c'est pour ça que j'ai posé la question. T'es accro, mais... Non, je répondais à quelques personnes. Ouais. On reste chez PFK. Des gens qui demandent si elle est morte parce qu'ils écoutent pas l'émission pour savoir. C'est ça. On reste chez PFK avec une bombe de bain. Mmh. On peut sentir le poulet frit du PFK. Ah, t'as déjà rêvé de prendre ton bain dans de la friture? Ben, Colin. Hein? Ça me fait penser à leur horrible annonce. La fille qui se faisait un bain de vapeur faciale au-dessus de son baril de poulet frit. Là. C'est vrai. Et tu sais, ben les femmes font ça au-dessus de vapeur d'eau pour ouvrir les pores pour nettoyer leurs pores de peau. Mais elle faisait ça avec la vapeur d'un bac de poulet frit. Tu vois les boutons sortir. C'est dégueulasse. Tu sais comment rentrer la graisse dans ta peau encore plus? Direct. Ça m'écœure autant. Ça fait luire le visage. C'est ça. Et fuir les gens. C'est exactement. PFK s'est associé donc à Village Vanguard pour créer ce produit aussi insolite qu'effrayant. Une bombe de bain en forme de pilon de poulet avec le visuel et l'odeur d'un vrai pilon de poulet frit de l'enseigne de fast-food. Et une fois dissoute dans le bain, celle-ci aura même l'apparence d'un vieux bain d'huile de friture. C'est magnifique. PFK qui réserve cette bombe de bain à 100 heureux élus via un site japonais de loterie. C'est terminé depuis le 15 novembre, mais quand? Ah ben, c'est japonais. Ben, Caroline, hein? Surprise! Est-ce que vous avez déjà mangé de la pâte à biscuits crus, même si c'est marqué dessus de pas le faire? Je l'ai déjà fait, j'ai vraiment pas aimé ça. Non! Oh! Ouais. Outrage? Au tribunal. Ouais. Je suis désolée, moi, je sais que tout le monde trippe sur ça, là, le cookie dough. Pas moi. Steph? C'est la vie. Ouais. C'est la vie. Même si ça va à l'encontre des règles, vous faites comme avec votre sirop bu à même la bouteille. Oui. C'est fuck les règles, fuck les règles. Bon, on peut s'en faire nous-mêmes, hein, de la pâte à biscuits sécuritaire. T'as raison, c'est vrai ça. Mais bref, il y a des barres des barres de pâte à biscuits. Donc des pâtes à biscuits en barre qui existe, The Doozy Bar. Donc, c'est de la pâte à biscuits avec différentes saveurs. Ah! Comme brisure de chocolat, qui est en toute fête, beurre d'arachide et chocolat au lait. Un peu comme on peut avoir du nougat en bas. C'est exactement ça. Et c'est marqué « Ready to eat cookie dough ». Et c'est basé sur une recette maison, Home Recipe. Bon, mais j'aime ça. C'est fantastique, hein? Ça vient de Susie's Doozies, qui offre 5 saveurs de ces bars-là. Donc, celle que j'ai pas mentionnée, c'était le chocolat blanc, beurre d'arachide, macadamia. Macadamia. Chocolat garni de bonbons. Je sais pas la différence avec gâteau de fête. C'est pas mal similaire, on s'entend. Mm. Ouais. Bref, c'est dans le Midwest américain, chez Meijer, pour 2$ chaque. Susie's Doozies sont aussi dans d'autres magasins. Probablement en ligne, quelque part. Quelqu'un va en revendre J'espère. Sur eBay. J'espère bien aussi. Ça a l'air tellement bon. On s'en commande. Hey, ce serait le fun. Il faut vraiment s'en commander. À chaque chronique, il faut qu'on se commande quelque chose. Non, mais là, je suis sérieuse. Okay, excuse-moi. Là, c'est vrai. OK. est-ce que vous avez vu chez Starbucks les verres des fêtes qui sont sortis? Qu'on dessine soi-même, c'est des verres à dessin. Voilà. Ben non, moi, je suis pas in. T'es pas in pas en tout, hein? Non. Ben non. Donc, une femme qui a créé le verre de Starbucks, qui a dessiné sur le verre de Starbucks, ça a pris 16 heures pour faire son design. Ah, quand t'es trop dedans? Kara Aldridge. Ouais, donc elle dessine sur des verres Starbucks à l'année longue. Elle a 22 ans. Elle fait des designs vraiment, vraiment compliqués avec un Sharpie. Ben, plusieurs. Sharpie de différentes couleurs. Des crayons stylos. Et là, elle transforme des verres de Starbucks en verres style Instagrammable. Instagrammable. Donc, elle a pris un verre de Starbucks. Puis, elle l'a dessiné. Ça a été bien populaire sur Reddit. Là, on peut regarder à la caméra 3 les designs très, très compliqués qu'elle a fait sur le verre. Il y a du détail, hein? Il y a du détail, des ombrages surtout, du pixel, pas mal. C'est beau. Ouais, c'est très joli. Donc, allez voir ça. C'est sur sa page Instagram. C'est Creative, trait de soulignement. Kara, C-A-R-R-A-H. C-A-R-R-A-H. Ensuite, Pringles. On a parlé tantôt, dans le milieu de la chronique sur Sprite, qu'on se demandait s'il allait pas sortir une version à sauce brune. C'est toi qui as demandé ça? Ben, Colin Pringles sort un variety pack pour l'action de grâce. Ah, oh, ça a l'air louche. Pringles Thanksgiving Dinner. Donc, selon la marque, c'est exclusivement disponible aux membres du média et quelques influenceurs, là, des YouTubers, Instagrammers, peu importe. C'est pas disponible en magasin du tout. Et le concept, c'est de générer le buzz, bien sûr. Donc, les Pringles Thanksgiving Dinner, c'est 8 saveurs au total, chacune inspirée par la nourriture qu'on trouve sur la table à l'Action de grâce. Donc, dinde, pitate pilée, de la farce, sauce canneberge, maïs en crème. Green bean casserole, mac and cheese et tarte à la citrouille. Est-ce que Mathieu t'a dit à Stéphanie qu'est-ce qui était à l'intérieur du sac qu'on croyait qu'il allait devenir un potage maïs la semaine dernière? Flashback à la semaine dernière, on a ouvert la boîte de Tokyo Treat. Donc il y avait des trucs japonais, et dedans il y avait un emballage en cylindre. On avait goûté précédemment dans la chronique à des chips de maïs qui goûtaient le maïs à la crème. On pensait que le petit emballage en cylindre allait être un mélange pour faire de la soupe parce que c'était écrit dessus crème de maïs. Exact. Soupe, crème de maïs, potage. Bref. Corn potage. Finalement, c'était juste des chips, mais en forme de cylindre. C'était comme un genre de gros bâton de... Tu sais, les Funyuns, les genres de... un gros concentré. Ouais. Tu sais, les rondelles d'oignon, là, en... J'ai bien fait de pas manger en ça. Ouais, non, c'était vraiment très concentré. L'as-tu mangé, Mathieu? Sûr. Si, je suis sûr, je me rappelle plus. C'était très concentré, très salé. Ouais. Je pense que non. Tu l'as pas mangé, hein? Bref, Thanksgiving Dinner de Pringles. Ça m'intrigue, j'aurais aimé ça qu'ils vendent en magasin, mais bon. Moi, j'y goûterais. Je me fais vraiment un souper... De ça. Hey, sérieusement, des Pringles aux patates pilées, là. Ben, ça goûterait juste les chips ordinaires, c'est non? Ça. Ou au maïs peut-être en crème. Peut-être avec un peu de beurre. Mais moi, tarte à citrouille, je serais open pour ça, là. Open à tout ça, moi. Malgré que d'habitude, les chips sucrés, je suis pas fan. Non, j'avoue que là, ils en avaient fait à un moment donné. Je me rappelle pas c'était à quoi, mais c'était sucré, c'est bizarre. Ouais, les chips, c'est fait pour être salé, tant qu'à moi. Ouais, t'as peut-être raison là-dessus. Ensuite, c'est des verres de vin. Mais tout petit, des coupes de vin, OK, mais vraiment minuscules pour pouvoir les mettre dans sa sacoche. Ça ressemble un petit peu à une genre de poivrière, si on veut, là, mais c'est une bouteille de vin. Mais mais t'en as pas assez là-dedans? Ben, c'est ça. Mais si tu veux les transporter dans ta sacoche, ça pourrait être difficile de prendre une bouteille au complet, hein? C'est déjà fait. Ah oui! Une compagnie qui s'appelle Standard Wines qui a lancé le 17 novembre dernier ce petit concept-là pour les amoureux du vin partout. Même si j'ai déjà vu ici en épicerie des vins en petites bouteilles. Là. Tu peux acheter ça aussi. Oui, il y a même des petites bouteilles en carton avec une paille que tu peux mettre dedans de vin. Ben voyons donc. Mais oui, t'as jamais vu ça? Ben non. Tu regarderas à l'épicerie, il y a vraiment des petits cartons de vin comme les petits jus Oasis. Comme les petits jus, c'est pour les lunchs? Mais là, c'est du vin. Wow! Donc, c'est les fondateurs de Vinebox, pardon, un service d'abonnement de vin par la poste. Ils ont du vin rouge, du vin blanc, chacun fabriqué en Californie dans des bouteilles de 187 millilitres. Assez chic. Chaque bouteille, c'est 6,3 onces, coûte 8 $. C'est vraiment très cher. C'est disponible à commander en ligne. Évidemment, on a déjà dit qu'on peut probablement pas se faire commander de la boisson avec les douanes. Hein? On avait fait la recherche, je me rappelle pas de la réponse. Évidemment. Évidemment. Je sais qu'on peut pas importer de la viande. Non. Ça, il me semble que j'avais vu ça. Écoute, je sais pas, j'ai jamais essayé. Bref. Je pense que non. Ah. Ensuite, on parle de la police qui a menacé d'arrêter le créateur de sandwich Pop-Tart au fromage. Mais en blague. Donc, on parle ici d'un étudiant à l'Iowa State University, Chris Jorgensen, qui a partagé une photo de sa franken-nourriture qu'il a créée, alors qu'il, j'imagine, il avait probablement bu justement une petite boisson dans sa sacoche. Donc, il a pris ses Pop-Tarts, il a mis une tranche de fromage entre chaque, et donc c'était parce qu'il était désespéré, il n'y avait rien à manger. Hein. Ouais, c'est comme ça, les frères. Il aurait pu les manger séparément aussi. Il aurait pu! Hein? Il aurait pu, mais il est en Iowa. Donc, il a tweeté, t'es pas de l'Iowa si t'as jamais mangé ça. Des Pop-Tarts avec du fromage entre chaque. Et la police a tweeté qu'ils allaient l'arrêter parce que c'est bien drôle. Est-ce qu'il y a une saveur de Pop-Tart spécifique qu'il faut choisir? Oh non, c'est pas précisé par contre. Très bonne question. Donc, on peut aller avec notre fantaisie. Je pense que oui. Qu'est-ce qu'il ferait avec du fromage? Absolument rien. Je connais pas tant les saveurs de Pop-Tart, mais je te dirais effectivement rien. Mm-hmm. Ouais. Une nature, mettons, il y a tout ça, des Pop-Tarts. Malgré que je sais qu'il y a des gens là, qui mangent des toasts, tranches de fromage, confiture le matin. Il paraîtrait tranches de fromage, confiture. Il paraîtrait que c'est super bon. Donc, je me dis peut-être que la sandwich Pop-Tart aux fraises avec la tranche de fromage, c'est peut-être quelque chose de semblable. En fait, c'est ce qu'on peut voir dans l'article. Ce qu'il a essayé, lui, c'était aux fraises. Il a dit, est-ce que c'est fromage à la crème? Parce que là, c'est différent. C'est du fromage, non, fromage en tranches. Mm-hmm. Tu sais, genre single. Les célibataires de Kraft, qu'on appelle. Bref, il dit que c'était OK. C'était correct. C'était OK. Il dit, les fraises, c'est pas ma saveur préférée. Il y avait pas trop de fromage, donc au moins, c'était pas si pire que ça. Hypothétiquement, s'il le refait, il dirait qu'il y a pas vraiment de combinaison qui pourrait être bonne. Fait que je suis pas sûr. T'sais. J'imagine qu'il l'a fait griller aussi. Ben, en tout cas, sur la photo, ça... Je veux vraiment la recette. Ça a vraiment l'air de genre, j'ai pris ma porteur dans la boîte, j'ai sorti la tranche de fromage célibataire, puis je l'ai ben mis. Ben oui, t'sais. Hein? Mais c'est triste. C'est triste. L'opportunité d'avoir fait griller ta Pop-Tart et de faire fondre le fromage. Ça, tu mets ça dans un petit grill panini. Ben là, oui, ça a bien. Du potentiel. Tellement. Tu mets la garniture à l'intérieur. Là. Vrai. Ouais. Et là, bon, on a dit que le gars avait été, entre guillemets, en blague, arrêté par la police pour son crime contre l'alimentation. Ouais. Il y a vraiment une école qui a fermé après qu'un enfant avec une allergie sévère aux produits laitiers soit mort après avoir mangé un grilled cheese. Je vous promets ça. C'est une école de la ville de mais New York. Mais là, il savait pas que s'il mangeait un grilled cheese, il allait avoir une attaque. Ben, c'est un petit enfant. Hein? Il y a eu 3 ans. Selon NBC New York, Elijah Silvera est mort le 3 novembre dernier après avoir mangé un grilled cheese. Il était allergique aux produits laitiers. On parle pas de l'intolérance au lactose, non, des ballons. L'allergie. Donc, il est entré en choc anaphylactique. Mm-hmm. Au 7th Avenue Center for Family Services à Harlem. Donc, l'école était fermée alors que le New York City Health Department enquêtait. L'école a été fermée parce qu'elle n'a pas supervisé adéquatement l'enfant et n'a pas suivi le plan de sécurité. Selon la page GoFundMe, sa famille au garçon croit que Silvera s'est fait servir un sandwich malgré le fait que l'école savait et avait la documentation par rapport à son allergie aux produits laitiers. L'enfant a été amené à l'hôpital de Harlem Hospital Pediatric. Les médecins n'ont pas réussi à le sauver malheureusement. Et la page GoFundMe est là pour que la famille puisse se permettre d'avoir un rapport d'autopsie indépendant. Le but est de se rendre jusqu'à 28 000 $. Il a été rencontré, le but, donc ils vont pouvoir se permettre cette enquête-là. Pour ceux qui ne savent pas, il y a vraiment une différence là, entre l'intolérance et une allergie. Oui, tu vas pas dire allergie, ça à tu respectes plus. C'est ça, c'est pas... Je trouve ça vraiment triste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'allergies de plus en plus, on ne se le cachera pas. Ouais. Et il n'y a pas de service offert pour les parents de ces enfants-là. Tu sais, les services de garde, les écoles et tout ça, c'est très, très rare des services qui sont adaptés pour eux. Ça doit être tellement stressant pour les parents. Ouais, faut juste être ton épiphène. Ouais. Puis faites pas comme moi, ayez-la avec vous. C'est ça. Et pas un usager d'il y a 3 ans parce que tu t'en sers pas. Ah non, mais elle est encore bonne. Là. J'ai vérifié la date dessus. C'est juste que c'est tellement gros, un épiphène, que ça rentre nulle part. C'est ça. C'est comme les bouteilles de vin. Il en faut des plus petits. Ah oui. Hein? Tu sais, pensez-y. Là, c'est quoi à faire une épiphène plus petite? Fais-en un pour emporter. Un petit épiphène format fun size. Take out. C'est ça. Take out, exact. Si j'ai un contact avec des pesticides, c'est ça que ça fait. Ouais. J'ai un choc. Ouais, c'est ça, on a de la misère avec ce mot-là. Exactement. Tu sais, genre, je respecte plus. Anaphylatélie, là. C'est ça. C'est ça. Bref, voilà pour une grosse petite adresse. Les liens dans les notes de l'émission numéro 1161 sur assemblagerequis.com. Nous, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci à Véronique Mire pour sa chronique Véronique Lopédie plus tôt dans l'émission. Merci à toi, Stéphanie Paradis. Plaisir, merci à vous de m'avoir accueilli. Pour ta chronique et d'être resté en plus. Merci, Tania, d'être venu faire un tour pour la fin de l'émission. Ça fait plaisir. Nous, c'est la fin, mais demain, on va être là entre 7h et 10h pour les meilleurs moments de la semaine. Quand même pas mal de bonnes choses cette semaine. Tu vas être là, t'as. Ouais. C'est ça? Mais bonjour. Mais en théorie, c'est vrai que là. Oui, tu devrais être là. Donc demain, entre 7h et 10h, sur nos ondes plus tard aujourd'hui, évidemment, en direct, Patriote en action va être là à 11h. Qu'est-ce qu'il y a? Le Mathieu Plancheau, je vais être là, mais en reprise. Il y a Très Blues Assez Fou à écouter aussi avec Denis Baudin. Oui, à 19h. À l'émission de blues ce soir. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Et on se retrouve demain, 7h. Bonne journée. Et bon café, tout le monde. Bye. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b